Différents concurrents. Piège à con.

Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz dans la région orléanaise, et vous pouvez aussi nous écouter partout hein, dans le monde simplement, et même dans l'espace hein, et ça c'est entre nous que je vous le dis. Donc dans l'espace vous pouvez nous écouter sur internet, donc radio-arc-en-ciel.fr, c'est le nouveau site de Radio Arc-en-Ciel. Vous allez voir, il y a plein de choses très nouvelles et des actualités pour ceux qui s'intéressent surtout à ce qui se passe au Portugal. Voilà, on est dans l'émission Mavrica, c'est le vendredi soir et il est plus de 19h puisque l'émission Mavrica commence à 19h et se termine à 22h. Et depuis qu'on a pris l'antenne, et ben on a écouté déjà plusieurs groupes de la Mavrica Family. On a commencé par Summer Chains avec un morceau qui s'appelle Sleepwalking, qu'on avait écouté la semaine dernière, que j'avais envie de réécouter aujourd'hui. Et puis en plus c'est un morceau qui envoie bien du bois comme on aime dans l'émission Mavrica. On a continué avec une reprise des Rolling Stones, repris par un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps, des gars super bien que j'ai envie de voir sur scène. Si vous aimez le rock cuivré, ce sont les Dirty Charlie. Juste après, bah c'est nos potes, hein. C'est vrai, c'est des gens qu'on connaît depuis un petit moment et puis on continue d'encourager parce qu'ils font de la super bonne musique, et puis j'ai hâte de pouvoir les voir en concert. J'ai pas pu y aller au concert précédent, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. On va les retrouver très bientôt. C'est le groupe Prisma et le morceau qu'on a écouté, c'est Rock Now. Juste après, c'était Barricade avec un titre d'actualité. Il s'agit de Élection, piège à con. Bon, après, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, c'est l'avis de Barricade. Et ils étaient venus il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur nouvel album qui s'appelle Bouge. Juste à l'instant, une nouveauté qu'on a écoutée pour la première fois la semaine dernière, ça s'appelle Ego Trip, et c'est un groupe que nous avons reçu, ça fait déjà pas mal de temps, et on aimerait bien les recevoir à nouveau, parce qu'il y a toujours de l'actualité, toujours des belles paroles, toujours une bonne musique, des beaux textes, et donc c'est le groupe Jartel. Voilà, on est dans l'émission Mavrica, aujourd'hui c'est la 505e, donc 505, c'est vrai que ça a fait penser à une voiture, d'ailleurs j'en ai croisé une tout à l'heure en venant là, sur la tangentielle. Voilà, donc 505, on dit jamais 203, mais on dit 505. Donc ce soir, pour la 505e, je suis tout seul dans les studios, et non, pas tout à fait, puisqu'il y a un ami à nous qui est là dans nos studios aussi. Ce qu'on va faire, on va commencer à discuter un petit peu avec lui, en même temps pour régler les micros, hein, puisqu'on arrive à la table, il faut régler tous ces trucs-là. Alors il s'agit de David McLean. Salut David. Ah bah ça marche pas, bah tu vois. Voilà, ça va mieux. Salut Albino, comment ça va? Bah très bien, voilà, on va attaquer cette émission 505. Eh oui. Alors, c'est vrai que j'étais pas sûr de pouvoir la faire, donc c'est pour ça que l'affiche a été postée que hier. Et tu m'as dit, moi je suis à la maison, j'ai envie de passer dans l'émission, parce que toi tu faisais une émission pendant pas mal de temps, c'était le mercredi soir. Le mercredi soir. Et ça s'appelait Ça va le faire. Absolument. Et tu m'as dit, la radio ça me manque, et pourtant malheureusement je peux pas être là tout le temps. Donc ce que tu vas faire, tu vas venir régulièrement dans l'émission Mavrica, voilà, pour discuter avec nous et bien puis sûr parler de ton actualité et nous faire aussi des petites chroniques. Hein. Oui. Je sais que tu aimes bien aussi écrire, donc ça sera l'occasion de venir dans l'émission assez régulièrement. Voilà. Quand tu peux, voilà. Voilà. Bah alors ce soir, j'avoue que j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu une journée très chargée et donc je n'ai pas fait de chronique écrite, mais j'aurai un petit sujet à aborder dans l'émission, voilà, qui voudra ce que ça voudra. Hein. Ouais, mais, très voilà. Bien. Bah, l'important c'est qu'on va être tous les deux à co-animer cette émission. Ça va être le plus simple. Alors on a écouté plusieurs groupes. Est-ce qu'il y en a que tu connais pas? Par exemple, Summer Chains, tu les connais? Oui, Summer Chains, je les connais. Dirty Charlie, je connaissais pas, mais j'aime bien leur version de Pet in Black. Ouais. Prisma, tu les connais? Prisma, oui, forcément. Barricade, bah oui, parce qu'on entend que en ce moment dans cette émission. Oui, c'est vrai qu'on les passe assez régulièrement. Et effectivement, il y a de l'actualité, donc on fait ça comme ça. Hein. Dès qu'il y a de l'actualité, les groupes viennent dans les studios. Et à partir de la semaine prochaine, je vous l'annonce pas encore, mais normalement il devrait y avoir quelqu'un. Et la semaine suivante, ça c'est acté. C'est les Uncle Bikers qui vont venir. Notre ami Jack F avec son nouveau groupe. Avec un nouveau groupe, alors. Ouais. On écoutera un petit morceau tout à l'heure. Tu me feras penser à le passer, parce que souvent dans l'émission, je dis plein de choses et puis finalement l'émission se passe tellement vite et je me suis dit tiens, on a oublié de passer telle chose. Bah c'est pas grave, l'émission d'après, on la passe, hein, voilà, il y a pas de souci, hein, ce n'est que partie remise. Donc on est ensemble pour écouter pas mal de bonne musique et puis papoter aussi un petit peu bien sûr sur l'actualité, sur la musique, sur sur plein de choses, quoi. De quoi on peut parler dans l'actualité, hein? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dont on peut parler? Je sais pas. On va savoir. On sait pas. Hein, effectivement. Bon, on est passé d'une chose à un autre, d'un virus, hein, comme disait Jartel tout à l'heure, à une guerre, et puis là, maintenant, il y a aussi des comme disait Barricade, des élections. Ouais. Voilà. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler, mais toujours à travers la musique, hein, parce que bah, bien sûr. C'est une émission musicale d'abord. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un groupe que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à les voir. Je les ai vus plusieurs fois en concert. D'ailleurs, ils ont participé à Maverick Alive. Ça a été limite. Hein, ils ont failli pas venir. Voilà, vous commencez à savoir de qui je veux parler. Ils ont failli pas venir. Et du coup, on avait demandé au groupe Barricade de venir. Ils sont venus. Et du coup, ce groupe-là est venu en plus. Et donc, on avait fait un super Maverick Alive. C'était le dernier qu'on a fait. D'ailleurs, il va falloir qu'on relance ça. Et le groupe s'appelle les Shaky Metz. Tu te souviens des Shaky Metz? Vaguement. Je vais être honnête. Hein. Ça va peut-être te revenir. Et le morceau qu'on va écouter, que je propose d'écouter, c'est It's Better Than Never. Donc c'est mieux que jamais. Voilà. C'est dans l'émission Maverica et c'est comme ça. Donc on écoute les Shaky Metz tout de suite et on se retrouve juste après. Il n'y a pas de problème. We were so young, always together. You were the most beautiful girl. I was king of all teenagers. It's better later than never. morceaux qui ont la super pêche l'un derrière l'autre, c'est dans l'émission Maverika. On a écouté d'abord les Shaking Mates avec It's Better Than Never. Et juste à l'instant, un groupe, est-ce que tu as deviné quel groupe c'était, David? Non, Hervé Leroff. Juste non. Après, oui. Ah, t'es déjà en train de divulguer le titre qui viendra juste derrière. Ah, les Burning Head. Les Burning Head, oui. Leur excellent album qui est sorti il y a pas très longtemps. Il existe en vinyle et tout ça. J'ai même vu, je suis un petit peu envieux parce qu'il y a notre ami Didier qui l'a posté sur son Facebook. On voit la platine disque avec le vinyle. Ah ouais? Alors moi, j'ai la version numérique, hein, que je diffuse, bien entendu. Mais c'est vrai que le bel objet d'un vinyle comme ça, c'est bien. Ah, c'était donc, bien les vinyles, hein, quand même. Ouais, c'était bien. Et puis voilà. Ouais. C'est l'objet aussi, hein, c'est... Oh ouais. Et puis le voir tourner sur une platine, on l'écoute voilà très attentivement. Donc le morceau s'appelle All Set Glow, to Glow. Voilà. Ne me dites pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais c'est très bien en tout cas. C'est un groupe que j'apprécie beaucoup, hein, et tu le sais. Et j'ai tous les albums des Burning, et j'ai même des enregistrements des fois un peu spéciaux qui ont été faits dans des concerts, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un groupe que je suis déjà depuis pas mal de temps, et qu'on va continuer de suivre, hein, parce que j'ai même entendu dire que le dernier album, c'est un des meilleurs depuis ces 20 dernières années. Hein, donc ah ouais, comme quoi, ouais. Donc voilà, les Burning Head. Donc ils sont déjà venus deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc on n'a pas eu la chance de les avoir tous au complet, mais il y a Jean-Benoît qui est venu à deux reprises, et puis s'il a envie de revenir, revient. La porte est grande ouverte, il y a pas de souci. En plus, pour l'instant, alors il faut savoir que là, les gens se battent pas vraiment pour venir dans l'émission. Je crois qu'ils ont encore un peu peur du Covid, ou alors ils ont plein de choses à faire, ils ont pas le temps de venir dans l'émission. Mais il va y avoir quand même des invités dans les prochaines semaines, et tout le monde est en train de se battre pour le mois de mai et juin. C'est incroyable. Alors juin, juillet, il y en a énormément, et j'ai que 4 semaines par mois, donc je sais pas comment je vais me débrouiller, quoi. Mais en fait, pourquoi? Parce que il y a les concerts reprennent. Ouais, hein, c'est ça. Donc ouais. Les gens veulent faire de leur promo, ils ont raison, juste titre. Hein. Mm-hmm. Et voilà, bon, donc ils auraient dû s'affoler un petit peu avant, anticiper. Mais voilà, il y a qu'effectivement 4 semaines par mois, donc 4 vendredis, et faut faire avec, voilà. Ouais, il faut faire avec. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de mai, il risque d'y avoir des émissions en moins, parce que je vais prendre quelques vacances et puis je vais me planter un petit peu. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a toujours de la place. Te souviens-tu d'un temps. Que les moins de 20 ans. Non, pas si vieux que ça, mais pas mal. Ou un soir, sans le faire exprès, on a invité deux groupes. Ouais, tu te rappelles, ouais. Où il y avait deux chanteuses, dont une certaine Maria Rigoni, puisqu'elle était là. Et puis c'était, comment elle s'appelait, Sika, voilà. Jess, à l'époque. Jess, qui se connaissait pas. Et c'était, au départ, c'était très tendu. Bah, disons que dans l'histoire de Maverika, on en est à la 505e émission. Ça fait bientôt 12 ans qu'on fait cette émission-là. Et à chaque fois, donc, j'ai un planning sur lequel je note tout ça. Alors, j'ai pris l'habitude maintenant de le noter qu'à un endroit. Parce que le problème, c'est que j'avais noté une fois sur l'ordinateur, une fois sur mon calepin. Et quand j'ai rassemblé les deux, je me suis aperçu qu'il y avait deux groupes qui étaient conviés au même temps. Je me suis dit, c'est pas un souci, on va le faire comme ça. Mais bon, ça au début, c'était un petit peu... Ah, c'était un peu tendu au début. Parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est notre émission, c'est celle des autres, etc. Ah ouais. Et à la fin, bon, ça s'est très bien passé. Bah ouais, tout puisque ça, les filles ont chanté ensemble et tout, c'était bien. Hein, c'était bien. Et puis, ça leur a permis aussi de se connaître. Mais c'est vrai qu'après, on s'est dit, bon... À part si ils décident de venir avec des amis, voilà, ils décident de faire une émission à deux parce qu'ils se connaissent bien et tout ça. Nous, on convie plus deux groupes en même temps, quoi. On s'est dit, bon, voilà, on va peut-être éviter ça parce que là, c'est super bien passé, mais on peut très bien. Imagine qu'il y a des conflits entre deux groupes et on le sait pas et on les invite en même temps et ils se retrouvent là, donc c'est pas très très bien. Donc on s'est dit, s'ils veulent venir, s'ils disent tiens, on a des potes qui ont un groupe, on veut venir avec eux faire une émission avec eux, il y a pas de souci, mais nous on n'impose pas, voilà, il y a pas de problème. Mais là c'était du parfait exprès, mais c'est bien tombé en plus. Mais c'était bien tombé, ouais, oui, c'est vrai. Mais après on s'est dit non, à la limite on va consacrer une émission à un artiste. Bon, ouais. On passe aussi d'autres choses parce que mais il y a quand même des, on le voit par exemple dans les programmes de l'émission dernièrement sur le Facebook de l'émission Maverika, sur la page il y a le programme il est écrit au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits changements, donc les changements sont faits au fur et à mesure, et justement quand j'ai des invités, on voit très bien qu'on met en avant l'invité, donc on passe beaucoup plus de morceaux de l'invité qui est présent là, ce qui est tout à fait normal, en plus il y a les lives et tout ça, que d'autres artistes. Mais ce soir, par exemple, il y a pas de... Tu es un artiste, mais là aujourd'hui, tu es en tant que chroniqueur. Voilà. Donc voilà. Quoi? De repasser David McMahon? épingle, là, là. Par contre, quand tu veux, hein, tu le sais très bien, on fait une émission sur David McLane. Ah, bah oui, artiste, je sais bien. Voilà. Donc, on peut, toi, te, c'était la chance, c'est un artiste complet. Alors tu es à la fois animateur de radio, chroniqueur. Hein, tu écris, chanteur, compositeur, interprète. Et je réalise. Réalises aussi, donc voilà. Donc j'en fais des choses. Hein, ouais. Et puis aussi tu accompagnes Jimmy Sugar. Et je suis musicien de Jimmy Sugar. Tu es musicien. J'ai cette chance. Ouais. Et donc moi j'ai tout à l'heure j'étais sur un site dans lequel il y a des vidéos, hein, bon, que tout le monde regarde, hein, je vais pas le citer. Et effectivement, je suis tombé sur sa vidéo qu'on avait diffusée il y a quelque temps, et ici dans l'émission avec le morceau pour Johnny Hallyday. Au revoir Johnny. Au revoir Johnny. Ouais. Et donc j'ai réécouté avec beaucoup de plaisir. Voilà. Ouais. Tu sais que j'en parlais aujourd'hui parce que pour des raisons professionnelles, j'étais interviewé et. Et on en parlait et les gens étaient étonnés parce que c'est un morceau qui a fait plus de 100 000 vues quand même sur Facebook. et puis ailleurs. Ouais, je crois que t'as fait un lapsus entre YouTube et Facebook. Ouais, Facebook. Voilà, je parle à la Johnny parce que maintenant que je suis beaucoup dans mon minute de Johnny. Facebook. Mais voilà. Ou YouTube. Ouais, tout ça pour dire que en fait voilà, donc on a fait avec Jimmy, on fait beaucoup de choses par rapport à Johnny parce que c'est son idole, enfin c'est même plus qu'une idole, c'est je sais pas comment définir la relation qu'elle a avec Johnny, enfin bref. Et c'est quand même une fan officielle, c'est-à-dire que dès qu'on parle de Johnny et des fans, on pense souvent à elle. Ah bien sûr, mais au niveau national. Oui, au niveau national, elle est invitée dans des commémorations, dans des endroits où dès qu'on parle de Johnny, Jimmy, est-ce que tu peux être là? Les gens l'appellent et tout ça. Et de ce fait-là, donc elle prépare un tour de chant. Enfin, on prépare puisque moi j'ai me fait l'honneur de m'accepter en tant que compagnon de scène. Et donc on prépare un spectacle complet là, qu'on va présenter dans plusieurs endroits dans pas longtemps, pas plus tard que le mois prochain. D'accord. Hein, partout en France, comme tu disais, puisque là on va à Troyes, après on va dans le Cher, après on va je sais plus où. Enfin bref, on va se promener un peu partout avec ce spectacle, parce que justement en référence. En fait, c'est la première chanson qui a mis le pied à l'étrier. Avant, les gens savaient qu'elle aimait Johnny, si tu veux. Maintenant, ils savent que, non seulement, au-delà de l'affection qu'elle lui portait en tant que chanteur, aujourd'hui, bon, c'est pas qu'elle l'interprète, mais elle veut lui rendre hommage. Mm-hmm. Et donc, elle lui rend hommage, elle le fait bien, donc les gens l'invitent. Voilà, tout simplement. Ah bah oui, parce que c'est sûr que Johnny, dans le cœur des gens, il est toujours pas mort. Hein. C'est quand même, il a une carrière incroyable, et bon, c'est... Tout le monde connaît Johnny. Voilà, tout le monde connaît. Tu t'intéresses au rock, tu t'intéresses pas au rock, voilà, tu. Rock français, ouais, forcément, il y a forcément Johnny. Mais même moi, je me surprends parce que quand j'ai connu Jimmy, je connaissais Johnny pas plus que ça, quoi. Et maintenant, bon, à force d'être dans l'univers de Johnny, avec des fans de Johnny, et on côtoie des gens qui étaient très proches de Johnny, comme Pierre Billon, comme Jean Renard, comme Grant Lapp, le dernier harmoniciste de Johnny. Voilà. Et à force de côtoyer tous ces gens-là, je m'aperçois que ils sont en famille. Quand on est dans ces soirées-là, c'est une famille. Voilà, il n'y a pas d'autre. Ils sont famille. Mais il y a tout. En plus, il y a toutes les catégories sociales. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça qui est marrant. C'est un mec qui a fédéré. Ça rassemble les gens. Hein. Il a su fédérer tous les publics. Alors, je dis chapeau l'artiste. Hein. Ouais, ouais. Parce que une question que je me posais, c'est quel autre artiste en France a des fans aussi assidus que Johnny Hallyday. J'ai connu des gens qui étaient fans très très très fans de Elvis Presley par exemple. C'est vrai que bon en France peut-être moins, mais aux États-Unis c'est carrément quelque chose. Michael Jackson. Et en France, c'est Johnny Hallyday, quoi. Ah bah oui, le plus, je pense que c'est Johnny. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a des, mais c'est pas pareil. C'est pas le même engouement et surtout moins nombreux. Là regarde, le seul artiste, malheureusement, qui est décédé, qui a fait combien de millions de personnes le jour de son enterrement. Ah oui. Est-ce qu'il y a un homme politique qui a fait autant depuis De Gaulle, on va dire, et encore De Gaulle, je suis même pas sûr qu'il y ait autant de monde. Mais franchement, tu sais. Ouais, c'est... non, mais c'est vrai que moi, je connais pas les chiffres, tout ça, mais effectivement, il a marqué beaucoup les gens, quoi. Il y a des gens qui pleuraient, c'était des gens qui c'est comme s'ils perdaient un membre de leur famille. Ouais, quand c'était ça. Disparu, c'était hein. ça. Et l'origine de la chanson que j'ai écrite pour, mm-hmm. pour Jimmy, elle vient de là, en fait. C'est que le quand il est décédé, là, au mois de décembre, le 5 ou 6, je sais plus, la nuit, le 5 ou 6, mm-hmm. moi, j'ai créé la chanson de 6, de la nuit du 6 au 7, donc la nuit après, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les fans étaient là, ils pleuraient, ils étaient tristes, ils exprimaient leur chagrin, quoi. Et il y a tellement de gens qui leur sont tombés dessus, comme ça, gratuitement, en se foutant de leur gueule. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et les gens, ils ont le droit d'aimer quelqu'un et de le pleurer, d'être triste pour les laisser vivre. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui aiment rigoler. Il y a aussi, par exemple, des fans de Johnny qui aiment imiter Johnny, parce que Johnny, c'est un symbole, c'est une idole. Et des fois, ils le font pas très bien et les gens se moquent un petit peu. Ah de oui, ça. Oui, bien sûr. Et, mais bon, moi, je sais que des fois, je vais à des concerts aussi où il y a des gens qui sont un petit peu, on va dire, allumés, qui sont, allumés dans le bon sens, hein, parce que finalement, ils ont la lumière avec eux, hein. Ils sont illuminés, quoi. Et, mais quelque part, c'est aussi une détente parce que forcément, les gens, ils ont aussi une vie qui peut-être pas toujours très drôle. Donc quand on va à un concert, on a envie de faire un peu de n'importe quoi et s'amuser, quoi. Donc c'est pour ça, c'est facile de se moquer des gens, mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui a Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui a touché un petit peu, comme tu disais, tous les niveaux sociaux. Donc il y a des gens, tous les styles de personnes qui peuvent l'apprécier, quoi. Donc, bah bien sûr, il y a énormément de gens. Tu te rends compte que ça fait au moins 5 minutes qu'on parle de Johnny. Jimmy Sugar, c'est à cause de toi, ou grâce à toi, je sais pas, mais c'est à cause de toi. Hein, parce que moi, avant, on parlait pas de Johnny comme ça. Mais à Mavrika, en plus, c'est vrai qu'on passe rarement des morceaux de Johnny. Ouais. Ça nous est arrivé, hein. C'est vrai que c'est pas un des artistes qu'on n'a pas passé. Mais là, justement, on écoute des morceaux sur Johnny, et peut-être s'envoyer un petit Johnny aussi de temps en temps. Bah voilà, pourquoi pas. En plus, il y avait des musiciens d'enfer derrière lui, hein. Ouais. Et tous les musiciens là. Il y a Rol Poupeau, bien sûr, qui est le guitariste qui aujourd'hui fait carrière. Et en plus, à chaque fois, moi, j'ai pas eu la chance d'assister à un de ses concerts, mais j'ai loupé, hein, de très peu. Mais alors, on m'a dit un bien sur lui. Et en plus, apparemment, c'est quelqu'un qui est super agréable, super. Absolument, ouais. Voilà, et qui continue à aimer par-dessus tout Johnny Hallyday, quoi. Tout à fait, ouais. Et Greg Slapp, qui était l'harmoniciste dernier, hein. Qui a fait les 2 dernières années avec Johnny, c'est un mec adorable, mais adorable comme de chez adorable, qui te parle tout simplement. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à Orléans, au festival, dans le jardin, derrière la cathédrale, à jazz, ou je sais pas quoi. Hein, et oui. Il est venu il y a 2-3 ans et je l'ai rencontré là. On était censé être accueilli, lui poser des questions. C'est lui qui nous a accueillis, c'est lui qui nous a servi à boire. Mais vraiment, c'était le copain qui recevait des copains, quoi. Ouais. C'est le côté humain comme on aime. Ah mais là, voilà. Tout à fait. Après, on a discuté un petit peu ensemble et tout ça. Mais vraiment le chouette type, quoi. Mm-hmm. Et en plus, ce jour-là, il avait fait un concert qui était super avec un batteur que. D'aucuns connaissent, parce que c'est Christian Descamps qui était le batteur de Jean-Jacques Goldman. D'accord, ok. Comme quoi le monde est petit. Ah, tu vois. Et il y a beaucoup de grands comme ça. Oui, oui. Donc le batteur de Jean-Jacques Goldman qui joue. Il jouait ce soir-là avec Greg. Ouais. Très bien, donc voilà. Donc on a parlé de Johnny Hallyday qui est une grande star française. On va parler d'un autre artiste français qu'on a déjà reçu ici, qu'on a eu la chance de recevoir déjà à 3 L'homme reprises. À la Twingo. il est venu une fois, effectivement, il est venu une fois avec sa Twingo. Il avait couché les sièges et il a fait, c'est combien ça bon, fait 400 600, 500, 600 bornes. 600 bornes. Donc il est venu de Brest dans sa Twingo où il avait même pas la radio et il avait couché les sièges pour pouvoir mettre son énorme piano parce que quand il vient jouer tout seul, parce qu'il joue avec des orchestres, hein, ouais. Il faut savoir, il est musicien, il connaît des musiciens professionnels qui jouent avec lui et quand il y joue tout seul sur une scène, ou alors quand il vient à la radio, il amène son piano, il s'accompagne.

qu'elle est bien cette chanson, hein. Donc ah, c'était Jimmy Sugar avec Au revoir Johnny, donc un morceau dont on avait parlé juste avant. Et on a écouté aussi Monsieur Hervé Deroff. Alors moi, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est grâce à la radio. Voilà, on diffuse des ondes partout dans le monde. Et en plus, il y a aussi, vous pouvez aussi nous retrouver, nous envoyer un petit message, mettre un petit j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc vous allez sur Facebook simplement. Vous cherchez Mavrika Albino, c'est le nom de la page. Et vous allez dessus, vous aurez le programme donc de l'émission. Et en plus, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder. Donc il y a, alors, je suis en train de retrouver tout ça. Alors on a passé tout à l'heure Hervé Deroff, voilà. Et là, qu'est-ce que je vois ? Hervé Deroff qui intervient en disant, voilà, en mettant un petit j'aime, voilà. Tout à l'heure, on a passé aussi Jartel, et il y a Morgane aussi qui a dit merci Albino d'avoir diffusé le morceau. On a passé aussi des Prisma, et on a Christophe Denacker qui m'a dit merci Albino. Donc voilà, je peux me vanter d'avoir, parmi les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, des musiciens, des artistes, des gens qui sont derrière moi, qui sont toujours, moi je suis derrière eux aussi, hein. Je suis là aussi pour promouvoir les meilleurs artistes de la région, hein, et d'ailleurs, hein, puisque Hervé, lui, il est de Brest, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça fait plaisir. Voilà, on diffuse, on poste un truc, et tout de suite, on a une réponse. On a les gens qui se disent, tiens, Albino, il est en train de passer un nouveau morceau. Voilà, c'est super bien. Voilà, ça, c'est un truc qui fait plaisir, en tout cas. Ouais, c'est le plaisir de la technologie. Ouais, quand ça marche. Ouais. Alors, je regarde, oui, il y a pas mal de petits j'aime déjà. Donc, tout à l'heure, on citera un petit peu tous les gens, parce que j'aime bien aussi les citer et voir qui c'est, parce que c'est la plupart du temps, c'est aussi des artistes. Parce que l'émission Mavrika, elle est faite pour les auditeurs. Et parmi les auditeurs, on peut se vanter d'avoir les meilleurs artistes de la région. Voilà, donc on a parlé de Hervé Deroff, on a parlé de Jimmy Sugar. J'ai envie aussi de parler, j'y ai pensé parce que je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas passé un morceau de lui. Alors c'était une personne qui était venue ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'appelle Guillaume, il s'appelle toujours comme ça, hein. Même si aujourd'hui on... Voilà, tu as compris. Donc Guillaume, lui, il me dit, voilà, j'écris des chansons et je m'accompagne à la guitare et j'aimerais bien trouver un groupe. Et quelques temps après, il est venu, grâce à l'annonce qu'il avait passée à la radio, il a trouvé des musiciens. Et il est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec les musiciens. Il a dit, voilà, on va dire que le groupe, il est né dans ton émission. Et donc, ouais, ça me fait toujours plaisir, ça me touche toujours autant. Malheureusement, ce groupe-là, il n'existe plus aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, Guillaume. Mais en attendant, pendant un moment, il a fait plein d'enregistrements, il a fait plein de concerts, on a passé des moments super agréables, et puis il est peut-être passé à autre chose. Hein, tout ouais, moi j'ai eu l'occasion de partager des scènes avec lui. Ouais. Et ouais, c'est un garçon. Enfin, je ne vais pas parler de l'eau passée non plus. Hein, c'est un garçon. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend plus parler de lui, mais nous on va le refaire vivre ce soir dans l'émission. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont passés par ici, et puis voilà, dont on n'entend plus parler. Bah, malheureusement. Tu sais, il y a des gens qui s'investissent à fond dans une chose, ils le font pendant un certain temps et puis après ils passent à autre chose. Voilà, ouais. C'est comme ça. Hein. Il y a, dans la vie d'une personne, forcément, quand on est jeune, on pense à certaines choses. En vieillissant, on se dit peut-être autre chose. Et puis voilà, c'est la vie. Hein. Comme on a connu aussi beaucoup de groupes qui faisaient des super choses ensemble et puis qu'un jour, petit à petit, soit ils se sont lassés ou soit il y a eu des conflits ou soit géographiquement ils se sont séparés. Et puis le groupe n'existe plus. Ils ont fait d'autres formations à côté. C'est la vie, c'est comme ouais, ça. C'est, hein. C'est la vie des groupes, des groupes locaux. Ouais. Oh, même les grands groupes. Hein. Ouais, ouais. Quels sont les groupes qui durent depuis très très très longtemps? Des groupes qui durent plus de 10 ans. Déjà, c'est exceptionnel. Hein. Quand on sait qu'un des plus grands groupes du monde, les Beatles, ils n'ont pas fait les 10 ans. Hein. Ils n'ont pas fait les 10 ans. Les Stones, oui. Ah bah oui, alors là. Les Stones, il y a plein de groupes. Il y a aussi plein de groupes qui n'ont pas fait les 10 ans, mais qui finalement sont revenus quelques années après. Bah oui. Et c'est toujours un plaisir de retrouver des groupes. Et des fois, moi, je suis en train de penser au Pink Floyd, je sais pas pourquoi. Voilà, ils nous avaient fait rêver à une époque. Et ils sont revenus, et puis quand on ferme les yeux, on les revoit quand ils étaient jeunes, alors que il y a des années qui sont passées, mais voilà, le style est toujours là, la classe est toujours là. Voilà, il y a Genesis qui vient d'arrêter une tournée, enfin, la dernière tournée, et à mon avis, ce sera vraiment la dernière parce que, le chanteur, Phil Collins, mm-hmm. Et bon, dans, il est il a fait les concerts assis, mais parce qu'il tient un peu debout, parce que la maladie l'a malheureusement l'a pas épargné. Mais bon, ça fait partie aussi des groupes, qui ont plus de 50 ans quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que bon. On s'en rend pas compte, mais c'est pareil, c'est pas des Genesis. Ouais, ça c'est un groupe qui a fait beaucoup marquer. Moi, je me souviens à l'école, il y avait beaucoup de gens qui aimaient ce groupe-là. C'était quelque chose de, c'était nouveau, ça arrivait, spécial. Ouais. C'était, ils avaient pas un style, ils en avaient plusieurs. On a écouté un album, on se lassait pas du tout parce que c'était à chaque morceau, c'était quelque chose de différent et avec des musiciens de qualité, bien entendu. Il y avait pas mal de Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins, j'en oublie un, enfin les quatre principaux. J'ai oublié le quatrième. Donc mais voilà, déjà musicalement c'était des cracks, des monstres, des références. C'est encore aujourd'hui des références. Voilà. Et on parle des Floyd, c'est pareil. Mm-hmm. Tous les gens qui, bon, bien sûr Gilmour à la guitare, mais il y avait pas que lui, il y a Syd Barrett et les autres. Donc c'était à la limite des chercheurs en musique, parce que les Floyd c'était ça au départ. Oui, c'était plus des chercheurs, ils allaient chercher dans les premiers synthés. C'est eux qui ont vraiment fait évoluer les synthétiseurs. Mm-hmm. Là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans, et puis, effectivement, les gens ne te rendent pas de compte. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur, paf, t'appuies deux touches et tu fais une musique. Mais à l'époque, c'était pas pareil. Il fallait que tu branches, c'était par câble, t'avais des câbles que tu branchais, et tu connectais les uns aux autres pour avoir un son que tu tournais des potards et tout ça. Les synthétiseurs, du début, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu as une image en tête, mais ça faisait un peu penser au standard des téléphones. Des appareils de recherche. Les dames au téléphone, elles te disaient, Anier 2222, toi, brancher un fil, brancher un autre, je vous l'appelle. C'était ça, hein. Et les synthés, c'était ça. Les synthés, il y avait des potentiomètres, il y en avait plus que sur la console de mixage que j'ai en face de moi. C'était de la recherche et on partait de signaux. Il y avait des signaux. Oui. C'était des fréquences. Donc il y avait des pop, des tops, et on faisait des signaux carrés, des signaux triangles. Il y avait des modulations, il y avait plein de choses. Et à partir des signaux, on accélérait les fréquences, on changeait les graves, les aigus, et on fabriquait un son. C'était les synthés analogiques. Bien sûr. Alors c'était super bien, mais c'était un peu. C'était, comme tu disais, c'était un petit peu des trucs de recherche. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un voulait jouer du synthé dans un concert, c'était une complication. Ah ouais. Parce que à chaque fois, il avait intérêt à marquer tous les potentiomètres et les remettre tous pareil pour retrouver le son d'une chanson à l'autre. Donc il n'y avait pas de mémoire. On enregistre les paramètres, on les ressort au moment où on a besoin et ça marche bien. À l'époque, non. C'était chaque bouton qu'il fallait tourner. Et si on se trompait sur quelque part, le son n'était pas du tout comme on avait l'habitude de l'avoir. Et en plus, à l'époque, pour les enregistrements, c'était sur bande. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Je travaille sur ordinateur comme beaucoup aujourd'hui, hein. Oui, comme tout le monde, je dirais. Ouais, pour pas dire tout le monde. Mais à l'époque, c'était par bande, c'est-à-dire que tout loupait un truc, pour faire les raccords, c'était au ciseau que ça se faisait. Ouais, je me rappelle des premiers enregistrements que j'ai fait dans les années 80, parce que je suis plus jeune que ça. Au début des années 80, je me rappelle, si t'avais des bandes qui faisaient bien 10 cm d'épaisseur, multipiste, hein. Ouais. Et puis pour faire les raccords, c'était clac, tu mettais du scotch blanc et tout ça, puis tu coupais, puis pour faire tes raccords comme ça. Encore les raccords, c'était un petit peu, je sais pour en avoir fait, c'est que quand on coupe et qu'on raccommode, des fois ça fait un crac. Ouais. C'est brutal, quoi. Donc y a pas tous ces trucs qu'on a maintenant sur un logiciel. Par exemple, il y a un petit pop, il y a un petit machin, on peut le faire disparaître, peut l'atténuer. À l'époque, non, c'était comme ça sortait, hein, voilà. Et quand tu vois que des albums l'album des Beatles, l'album blanc des Beatles, a été fait en 8 pistes. Ouais, en 8 pistes. T'imagines? Mais c'était, il faut savoir que c'était en 8 pistes et c'était le top à l'époque. Ah, bien sûr. Parce que encore avant, au début des années 60, on enregistrait, même dans les années 50, on enregistrait avec un micro au milieu de la pièce et puis les chanteurs autour et les musiciens autour. Donc il faut voir l'évolution. Déjà, on commençait à attaquer le multipiste. Donc il y avait moi je me souviens, j'avais suivi un peu cette évolution là. Donc les groupes amateurs, il y avait des multipistes sur cassette, donc qui faisaient 4 pistes. Donc c'était 2 pistes, parce que normalement une cassette est une piste stéréo dans un sens, une piste stéréo dans l'autre sens, ce qui fait deux fois deux, ça fait quatre pistes. Donc on pouvait enregistrer sur des appareils spéciaux, en mettant une cassette normale, enregistrer sur quatre pistes. Ce qui était formidable, hein. Ça valait une blinde, c'est une qualité pas terrible, mais bon, c'est ce qu'ils avaient. Les studios, ils avaient de la chance d'avoir des 8 pistes, des 12 pistes. Et quand j'ai entendu parler des premiers 24 pistes, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et puis, je me souviens, c'était Prince qui avait un studio 24 pistes, les premiers numériques. J'ai dit, oh là là là, un truc qui valait une blinde à l'époque. Aujourd'hui, on peut se permettre presque d'avoir la même chose à la maison pour beaucoup, beaucoup moins cher. C'est pas qu'on peut presque, c'est qu'on a. Moi, j'ai, à la maison, j'ai un petit home studio. Moi, le nombre de pistes est pratiquement illimité. Oui, c'est illimité, puisque même si tu n'as qu'une seule entrée, tu enregistres piste par piste et puis tu après, faut l'ordinateur qui suit, c'est tout. Mais oui, oui. Plus on te charge, plus l'ordinateur il rame. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend pas compte de, moi, j'aurais eu le matériel qu'on a aujourd'hui, que j'avais eu quand j'avais 20 ans. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que techniquement, je me serais permis des choses que, voilà. Aujourd'hui, je m'amuse, hein. Je m'amuse comme un petit fou. Je fais des enregistrements, je travaille pour moi, que ce soit ou pour Jimmy, là, je suis en train de faire une chanson pour elle et pour sa sœur. Mais je m'amuse comme un petit fou. Je suis en train de faire je mets des orchestres symphoniques derrière et tout, parce que je peux me permettre. Et bien sûr que c'est pas le son d'un orchestre symphonique. Mais quand même, c'est pas mal du tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on peut sortir. Ah oui, c'est incroyable. Hein, la technologie, elle nous a apporté pas mal de choses. Hein. C'est un avantage et un inconvénient, parce que des fois, il y en a qui en font des choses pas terribles, mon sens, mais voilà. Mais autrement, pour ceux qui veulent s'amuser vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et sans beaucoup de matériel. Sans beaucoup de matériel. Et c'est là qu'on voit le mérite aussi des gens qui ont sorti des albums dans les années 60-70, qui ont une qualité qui aujourd'hui est encore une référence. Et quand on voit les moyens qu'ils avaient, on se dit, mais ils ont dû galérer pour arriver à faire ça. Quand tu vois que le premier album en quadriphonie, c'était les Who, l'album qui s'appelait Quadriphonia. D'ailleurs, ils avaient sorti ça alors que personne n'avait de la quadriphonie chez eux. Aujourd'hui, à la limite, non plus, ils avaient la stéréo, ils avaient une stéréo, mais voilà. Alors, ce qu'on s'amusait à faire à l'époque, je me rappelle, on mettait quatre enceintes de chaque coin de la pièce pour voir si on pouvait avoir quelque chose. Bon, on avait approximativement quelque chose, une stéréo un peu doublée, c'était pas vraiment. Mais voilà, toi, donc. C'est vrai que la quadriphonie était sortie à la fin des années 60, et il y avait donc des platines qui avaient il faut savoir que déjà la cellule, il y a pas deux bobinages, il y en a quatre. Ouais. Donc il y avait vraiment quatre enceintes qui avaient un son différent. C'est ce qui est l'équivalent du multipiste. C'est vraiment quatre pistes différentes, contrairement au surround où on a l'avant, arrière et un mixage un peu des deux qui font le côté derrière quoi. Celle-là c'était vraiment du quatre pistes différentes quoi. Mmh. Et donc ils avaient beaucoup misé là-dessus parce que ça donnait un effet d'espace, hein, vraiment, on entendait la moto qui était derrière, qui passait devant, etc. Un petit peu comme dans les salles de cinéma. Hein. Ah ouais. Mais finalement, on est revenu pour écouter de la musique. La stéréo suffit très bien, puisque à la limite, on n'a que deux oreilles. Et puis qui écoute, regarde aujourd'hui, on écoute de la musique sur les téléphones pour 95% des gens, en MP3, donc hyper compressé. Donc voilà, toi, c'est pour ça, des fois, on travaille, on se prend la tête à faire des arrangements, des choses, des machins. Ah, attends, tu regardes, je vais faire ça. En fait, on fait la finalité, tu te dis, mais qui va écouter? Les gens vont écouter sur quoi? Sur leur téléphone? Bon, est-ce que ça vaut le coup, toi? Après, c'est le plaisir personnel qui fait que on se fait des choses comme ça. Mais à la vérité, moi j'en ai discuté avec beaucoup de musiciens qui me disent la même chose, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Notre musique, qui que ce soit, que ce soit la chanson, que ce soit du rock, que ce soit tout ça, c'est rarement écouté sur du bon matériel. Et pourtant. moi je dis souvent aux gens, voilà, branchez des bonnes enceintes, vous allez avoir un bon son. Parce que franchement, si vous voulez avoir un bon son et vivre vraiment le son, il faut ou alors passer par vos téléphones. Voilà, il y a quand même des petits logiciels en Bluetooth, on peut aussi passer sur une chaîne haute fidélité, etc. Ouais. Et avoir un son à peu près bien, mais le plus important, c'est quand même d'avoir des vrais haut-parleurs. Vous pouvez pas avoir de grave sur des petits haut-parleurs qui font deux centimètres de diamètre. C'est pas, donc voilà, il faut le ressentir. Et après, c'est vrai qu'on peut critiquer, les MP3 et tout ça parce que c'est compressé et tout ça. Mais si vous avez des bons MP3 qui sont bien enregistrés quand même, pas trop compressé avec une bonne qualité, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à une époque, on faisait des trucs le plus compressés possible parce que le débit informatique était faible. Aujourd'hui, on a un débit assez élevé. Donc, sans avoir des waves, on peut déjà avoir des MP3 en bonne qualité. Et si on les écoute sur des bons haut-parleurs, on a quand même un bon résultat, quoi. C'est presque plus important. C'est plus important d'écouter. Il vaut mieux écouter, AMP3 sur une vraie chaîne, moi je dirais ça comme ça, plutôt que un wave ou une qualité studio sur un téléphone. Voilà, ah c'est ouais. Le truc il est là quoi. Donc même si c'est du MP3, même des choses comme ça, ben voilà, il y en a qui sont quand même bien enregistrés. Il faut pas que ça sature, il faut pas que ce soit ceux comme on a connu en 128 bits qui vont vraiment catastrophiques. Hein. Ouais. Mais bon, donc voilà, il faut quand même le. Et puis on écoute un vinyle, ben, il a ses défauts aussi. Moi je les connais très bien les défauts du vinyle parce que j'ai écouté que ça pendant un certain temps. C'était la référence à une certaine époque. Et aujourd'hui quand j'écoute, je dis oui, il y avait quand même les craquements, ouais, c'est quand même ouais. Mais bon, il y a quand même le plaisir d'écouter le vinyle parce que les graves, c'est autre chose. C'est, bien sûr. Ils sont vraiment analogiques, ils sont vraiment. Déjà oui, c'était ils sont pas reconstitués. Parce que il faut savoir le numérique, c'est on a une modulation. Qu'on redessine d'à côté, on enregistre le truc et après on reconstitue, voilà. Donc en scène analogique, c'est le son lui-même, la modulation qu'on enregistre telle quelle. Ouais. Pratiquement. Donc il y a pas de distorsion, il y a pas de signaux carrés qui refont un rond. Voilà, c'est et donc il y a quand même une magie. Et mes joies, par exemple, même les cassettes, hein, on dit voilà, moi je suis pas très nostalgique des cassettes. Parce que bon, je l'ai fait à une époque, c'était le seul moyen pour enregistrer de la bonne qualité, d'enregistrer quoi, chez soi, parce que de toute façon on n'avait pas autre chose. Hein. Bah avait, oui. C'est les cassettes. Avant il y avait même pas ça. Donc après ils ont quand même amélioré, hein, parce que les cassettes au début c'était un gadget, hein, et après on a quand même fait des trucs haute fidélité et tout ça. Et mais aujourd'hui, des fois, je réécoute certaines cassettes et je me dis non mais quand même c'était pas mal, c'était même très bien. Il y a des certaines cassettes. Après, il fallait avoir aussi du bon matériel, des bonnes cassettes, ouais, des bonnes choses comme ça. C'était plus difficile à obtenir un bon résultat, mais quand on l'avait, on avait quand même quelque chose de bien. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Bon, on a parlé de la technique, on a parlé aussi pour les jeunes, pour savoir qu'à une époque, hein, l'hi-fi n'a pas été inventée avec le numérique, hein, elle a été inventée avant avec l'analogique. Hein, bien et on sûr. Avait déjà un très bon son, et encore aujourd'hui, on ressort des standards en analogique, on les sort en numérique, on les remasterise pour pouvoir les écouter sur un compact disque ou sur du streaming à la radio ou sur internet. Et mais bon, la bonne qualité, on avait quand même la bonne qualité depuis au moins les années 50 pour ceux qui avaient les moyens. Oui, voilà, ouais. Après ça coûtait une blinde et tout le monde pouvait pas se le permettre. Mais après, ouais, ça s'est quand même démocratisé comme beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à avoir du bon matériel pour pas très très très cher, quoi. Mm-hmm. Mais après, faut être curieux, faut savoir ce qu'on veut aussi, parce que je dis la majorité des gens, excuse-moi, la majorité des gens quand même sont tellement pressés qu'ils ne vont pas s'embêter à chercher à avoir du bon matériel. Un casque, un téléphone, des oreillettes. Ah oui, un casque voilà. Aussi. Hein, ça, si vous avez un bon casque, ça peut être aussi appréciable. Je sais que bon. Et puis après, il faut choisir le matériel qui nous correspond le mieux, et le local d'écoute aussi. Hein, ça a une importance. Donc par exemple, des enceintes vont plaire à telle personne, vont pas plaire à une autre personne. Un casque va plaire à telle personne, il va pas plaire à une autre personne. On n'a pas tous les mêmes oreilles, on n'a pas la même manière d'écouter. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est matériel professionnel qui est très linéaire, qui est pas forcément, qui nous permet d'écouter tous les détails de ça, mais qui n'est pas forcément agréable à écouter. Et après, il y a le matériel plus hi-fi qui à la limite embellit légèrement avec des résonances qui sont des fois un peu teintées, hein, des enceintes teintées ou des casques teintés qui donnent plus de graves, plus d'aigus, etc., des courbes différentes, mais qui permettent d'écouter les choses de manière plus agréable. Alors il faut trouver la bonne chose, quoi. Au niveau casque, il y a une chose que j'ai pas encore essayé, que j'aimerais bien essayer, c'est les casques qui passent pas par les oreilles mais par la boîte crânienne. J'ai déjà entendu parler. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais j'aimerais bien parce que je pense qu'il doit y avoir une approche au niveau de la musique un peu différente, parce que c'est vraiment dans la vibration que ça travaille, toi. Mm-hmm. Un peu comme si tu veux écouter vraiment le son d'une guitare, je sais pas si on t'a déjà fait ça, tu mords le bout du manche toi. Mmh. Tu te bouches les oreilles. Ah, c'est ça les marques que tu as sur le. Ouais, ouais. Et tu le ressens. Et tu ressens toutes les fréquences à travers ton crâne. Et c'est fantastique. Hein, et je pense que ça doit être du même type. Et donc, j'aimerais bien un jour essayer ça. Oui, parce que on en parle souvent aussi. Quand on écoute de la musique sur un casque, on a le son, là, toute la fréquence audible sur un casque. Mais on n'a pas les vibrations, par exemple, quand on écoute du live, quand on a des grosses enceintes, des gros parleurs devant soi, on le ressent en plus. C'est un plus, quoi. Donc ça veut dire qu'on écoute avec nos oreilles, mais on écoute aussi avec le corps, avec la poitrine, ouais. Quand il y a des graves, on le ressent, hein. Voilà. Moi, je me rappelle une fois, il y a quelques années de ça, j'avais été chez un gars qui était sonorisateur de métier, qui avait un grand hangar. Un jour, il avait un grand hangar avec tout son matériel de son. Il sonorisait des scènes, hein. Il faisait je sais pas à l'époque s'il y avait des zéniths, mais enfin, il faisait des grosses salles, quoi. Il sonorisait. Et un jour, il m'a dit, c'était au début c'était encore le début des CD. Et il m'a fait écouter un album de Jonas en public. Mais branché sur les façades, toi, les enceintes de façade, quoi. Ouais. J'avais l'impression d'être dans la salle, hein, je te garantis. Ah bah oui, oui, voilà. Parce que là, il y avait aussi les vibrations, toi, qui passaient par le sol, qui passaient par tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je serais curieux d'essayer ces casques avec qui passent pas par les oreilles, mais qui passent que tu mets au-dessus de toi, sur le crâne, et puis qui passent justement, qui te font vibrer tout ça. Voilà. Peut-être un jour, on laissera ça à la radio. Je testerai et puis. Je viendrai faire une chronique dessus. On en parlera ici. Donc, je propose qu'on écoute notre ami Mandrake avec un morceau qui s'appelle Mon Soleil. Voilà, je vérifie quand même le titre. Je me souviens qu'il y avait Soleil. Mais... Donc, Mon Soleil, Mandrake. En proie à la folie, même plus croire en l'oubli, de l'être abandonné, de nos vies séparées. Venant pourtant à point nommé, le vide m'a emporté, et j'en peux plus tomber. Et je peux pas me rattraper. Je me meurs, je m'enlève de mon temps. Je me meurs, je m'efface doucement. Et je pense à mon soleil, et je m'évade à tire d'aile. Je fuis tous mes regrets, je fuis tous mes secrets. Et je pense à mon soleil, et je m'évade à tire d'aile. Je pars retrouver ma vie, retrouver mes amis. Parler de moi, j'en ai assez. Allez, je préfère t'écouter. Je préfère encore te regarder.

a écouté un titre de Mandrake, ben c'est vrai que ça m'a rappelé plein de bons souvenirs, sa voix et ouais, sa bonne ambiance, sa bonne humeur. Ouais. Mandrake, et ben s'il nous écoute, et ben on aimerait bien savoir un petit peu de ses nouvelles. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Mon Soleil, et juste après, c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir déjà deux reprises en concert. C'est un groupe qui fait du ska, de la musique cuivrée. C'est bien, j'aime bien aimer, je connaissais pas. Ouais, c'est le groupe Skawax. Et le morceau s'appelle Réseaux sociaux, donc c'est un morceau qui a été enregistré pendant le confinement, et chaque membre était chez lui finalement, et ça a été mixé. Bon, il y a eu tout un truc technique pour réussir à réaliser un morceau sans réunir tous les membres, mais bon, avec la technique aujourd'hui, ben, c'est possible. Figure-toi que j'en ai fait un comme ça, qu'on doit clipper bientôt, que j'ai sorti un tout petit peu comme ça pour voir un petit peu ce qui se donnait et qui plaît pas mal apparemment, et c'est rigolo parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont fait ça. Encore une fois, grâce à la technologie, on en revient toujours à la même chose, ça a permis de faire des choses un peu rigolote et bien, je veux pas dire c'est le bienfait des confinements. Parce qu'en fait, enfin moi j'ai fait ce morceau-là, puis j'ai fait un clip de L'amour est déclaré, je l'ai fait pendant le confinement aussi. Et je travaille avec Steve que tu connais. Steve H-Prod, tu l'as déjà vu aussi. Oui. Alors, ouais. Et je travaillais avec lui, et donc on travaillait de chez lui à chez moi, la nuit essentiellement d'ailleurs, et on a monté tout le clip comme ça, et quand tu regardes le clip, tu peux t'assurer qu'on en a bavé, parce que il y a une petite latence toujours à chaque fois pour caler, toi, donc c'était un peu difficile, mais on a réussi quelque chose de sympathique, même si c'est pas parfait, mais voilà. Et c'était rigolo parce qu'en plus on avait demandé à plein de gens, dont un certain Albino et sa femme, de participer. Ouais. Et donc je m'en souviens très bien. On avait monté tout ça, c'était voilà, moi j'ai adoré ça, et ça me fait penser un petit peu à ces morceaux qu'on a enregistrés par plusieurs. C'est Manu Chao qui avait rentré, je sais plus quel morceau, avec des gens de différents bouts de la planète. Il avait bougé avec son enregistreur et sa caméra, toi, et puis après ils avaient tout mixé, et ça donne un truc, et tu vois des clips comme ça avec des gens au Mexique, des gens au Maroc, des gens au Tibet, toi, un peu partout sur la planète, et ils jouent en fait le même morceau, des gens à New York et tout, j'avoue que voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de travail, et ben voilà, faut y aller à fond si on peut se permettre. Ça permet aussi de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on a envie de travailler, quoi. Moi si demain il y a des gens qui de Tombouctou qui m'appellent en me disant voilà, on aimerait faire un truc, je dis allez, vas-y, on y va tout de suite. Moi je suis ouvert justement aux rencontres, et pas forcément la rencontre quand tu sors de chez toi, mais la rencontre que sur les réseaux, et puis voilà, on peut travailler ensemble parce qu'on s'aime bien, tout ça. Moi un jour il y a un gars qui m'a appelé en me disant voilà, est-ce que tu pourrais me faire une musique pour une de mes chansons, s'il est belge, je l'ai jamais rencontré ce gars-là, et je lui ai fait la musique vite fait, et au départ moi j'ai envoyé une maquette, j'ai dit voilà, ça peut donner ça, il l'a pris, il l'a mis en studio, puis voilà, et puis ça fait sa petite chanson, voilà. Et ben je dis voilà, les rencontres, quand les réseaux sociaux sont comme ça pour faire des rencontres, pour faire des travaux artistiques comme ça, ben je dis allez-y les gars, foncez. Faut bien savoir se servir des instruments, quoi, finalement, parce qu'aujourd'hui on a une technologie qui permet de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, de les voir même en direct. Moi je me souviens, quand on était enfant, on n'imaginait même pas qu'un jour on pourrait téléphoner du trottoir et qu'on verrait la personne en face. Absolument. Et aujourd'hui on peut le faire n'importe où, c'est devenu quelque chose de magique. Il y avait des gens qui partaient à l'autre bout du monde, on attendait les nouvelles et on attendait qu'ils reviennent pour qu'ils nous racontent, et on attendait qu'ils développent les photos pour savoir ce qui s'était passé. Aujourd'hui il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, en direct, il nous envoie les trucs. Voilà, bah, c'est quelque chose. J'ai un copain qui est parti justement, je sais plus dans quel pays, plus à Thaïlande, où je pars là-bas, avec sa femme et sa fille. Et tous les jours, ils envoient des photos. La gamine a 3-4 ans, et bon, on voit qu'elle est émerveillée parce qu'elle voit des éléphants, elle a vu des hippopotames, elle a vu des gens qui ils ont été véhiculés dans des taxis, je sais pas quoi, enfin, des scooters avec et vraiment, et tout et ça, ils nous font vivre leur voyage au jour le jour, t'as l'impression d'être avec eux dans le voyage, c'est merveilleux. Bah voilà, c'est pour ça. Alors c'est vrai que il faut se méfier de toute chose, hein. C'est-à-dire que derrière la technologie, il y a aussi des êtres humains, et il y en a toujours certains qui ont qui ont des bonnes intentions et d'autres qui en ont des mauvaises. Mais si on les utilise dans des bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Mais toujours en faisant attention. Hein. C'est comme quand on sort de chez soi. Hein. Si on sort en plein jour et dans un quartier où on risque rien, il se passe rien. Mais par contre, si on sort la nuit dans des quartiers où on peut se faire dévaliser, on a les mêmes risques. Hein. Voilà, finalement. Tout à fait. Mais le problème, c'est justement, c'est que après, on peut philosopher sur savoir le pourquoi il y a des quartiers comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas sortir et qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit transgenre, qu'on soit n'importe quoi, qu'on puisse pas sortir dehors sans crainte. Moi, j'ai un couple d'amis qui sont emmerdés. Ils habitent un appartement, une petite maison à Bourges. Et parce que c'est un couple de garçons et ils sont emmerdés par les voisins pourtant je te peux assurer que c'est des gens gentils qui demandent à rien à personne, qui sont prêts à aider n'importe qui. Toi, t'as besoin de quoi que ce soit, ils vont les aider. Mais non, il y a des gens bien pensants qui viennent les emmerder tout le temps, et je trouve ça scandaleux, quoi. Je veux dire, on est fait pour vivre ensemble, on n'est pas fait pour vivre les uns contre les autres. Voilà. Et on est fait pour vivre ensemble avec nos différences. Voilà. Bien sûr. Et effectivement, il y a des gens qui pensent pas forcément comme nous, mais on se dit, bon, après tout, moi je pense comme ça, mais est-ce que c'est moi qui ai raison, est-ce que c'est l'autre personne? Voilà. Donc voilà, il faut savoir être ouvert. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'ils ont les bonnes pensées et que tous les autres non. Donc voilà, il faut être ouvert. Hein, il faut accepter les autres, il faut accepter les différences. C'est les différences qui font justement que le monde est beau. Ouais, et c'est ce qui nous enrichit. Ben voilà, tout à fait. S'il n'y avait pas de différences, tiens, aujourd'hui, regarde, dans tout ce que tu as passé, il a fallu qu'il y ait des mélanges. Que ça soit, regarde Skawax, je les connais pas, mais le ska, c'est pas français comme musique, toi, au départ. Non. Donc ils ont découvert cette musique, ça leur a plu, ils ont fait quelque chose et c'est bien. Leur titre est bien. Mandrax, ce qu'il a fait aussi, c'est pareil. Il y a des résonances de folk américain, il y a plein de résonances derrière. C'est un mélange. Bon, Jimmy, c'est pareil, elle aime le rock, elle aime tout ça. C'est pas français, mais il a fallu que ça se mélange. Il fallait pour intégrer justement des sonorités qui donnent des choses agréables et qui plaisent à certains, plaisent pas à tout le monde. On peut pas faire un consensus avec quoi qu'on fasse, mais voilà, ça plaît à beaucoup de gens. Et il faut que les gens se disent, n'ayons pas peur des autres. Faut pas avoir peur des autres. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on n'est pas, on rentre pas dans certains créneaux, on nous monte du doigt ou on est critiqué. Mais moi, je dis non. Toi, Albino, tu es ce que tu es. Moi, je suis ce que je suis. Les gens sont ce qu'ils sont. Et vivons ensemble. Vivons heureux ensemble. Il y a de quoi vivre heureux ensemble. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, c'est pas parce que je sais pas, chaque personne a le droit de vivre sur cette planète, elle est assez grande pour tout le monde, hein. Et donc même si on n'est pas exactement comme les autres, on a le droit d'exister, voilà, tout simplement. Et il y a aussi des choses qu'on ne choisit pas, comme tu parlais tout à l'heure de l'orientation sexuelle, voilà. Voilà, il y a des choses qui ne se choisissent pas. Donc effectivement, il faut que les gens sachent que voilà, et si par exemple un garçon aime un garçon, il n'a pas demandé à l'aimer, il le ressent comme ça. C'est une chose comme ça. L'amour, c'est donc, ça. C'est juste, donc voilà. Après, il faut essayer de pas juger ça, parce que ça, à la limite, on s'en fout. Ça, après, c'est ce qu'il veut, c'est dans sa vie privée, ceci, cela. Le gars peut être super bien, ou inversement, une fille, ou je sais pas trop quoi. Il faut pas juger les gens par leur apparence, ou par leur couleur, ou par voilà, il y a des gens bien dans tous les pays, il y a des gens mauvais dans tous les pays, malheureusement aussi. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, malheureusement, c'est qu'ils prennent de plus en plus de place et que plus en plus ils ont une voix un peu plus forte que... Quand tu tolères, forcément, si tu tolères, tu tolères même ces gens-là. C'est ça le problème. C'est que après, si tu les tolères pas, tu deviens comme eux. Tu vois, c'est difficile. C'est plus difficile pour les gens qui acceptent et qui tolèrent que pour eux. Parce que pour ces gens qui ne tolèrent rien, qui n'acceptent pas, personne d'autre. Ils veulent imposer leur voilà, chose. Ils s'imposent et puis voilà, soit par un langage fort ou soit par. Pourquoi par la violence, soit pas et en fait face à des gens qui eux sont pacifistes, qui sont tolérants, qui veulent simplement vivre en harmonie avec tout le monde, et par la force ils vont un jour arriver à gagner. C'est ce qu'on pourrait craindre ces temps-ci, mais ça, C'est pour ça qu'il faut mieux regarder les gens pour ce qu'ils sont. Plutôt que voilà, c'est pas forcément celui qui gueule le plus c'est pas forcément le plus fort qui a raison. Voilà. Absolument. Et voilà, donc mais malheureusement, il y en a qui sont qui ont pas raison et qui sont très forts et on en a peur. Eh oui, et puis malheureusement, c'est parce que eux ils hésitent pas, ils y vont, ils par la violence, par des actes souvent délictueux d'ailleurs, mais on leur dit rien parce qu'on a peur. Mmh. Parce que la crainte fait que mais enfin, bref. On va parler de musique, de plaisir, d'amour, et voilà. Parce ouais, qu'on est, ouais, on voilà. reste malgré tout optimiste. Tu connais la mentalité des gens qui viennent dans l'émission Marika. Donc ça fait partie d'une chose, c'est le partage, c'est être bien ensemble, tout simplement. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Sans se poser de questions. Et en plus, à la radio, on sait pas si les gens qui sont en face de nous, s'ils sont de couleur, s'ils le sont pas, et on s'en fout. Ah ben voilà. Moi, j'ai toujours aimé la radio pour ça. Moi, je suis d'une génération, on n'a pas près de la même génération, où j'écoutais des grandes voix sur des ondes qui sont pas la nôtre, mais moi je me rappelle de voix comme Claude Villers, comme même plus vieux, même quand t'écoutais les feuilletons. Bah après je les ai pas écoutés à l'époque hein, parce que je n'existais pas, mais des signés Furax et compagnie, ou la radio, ça permet de rêver. Et d'imaginer. T'imagines. Des fois, je sais pas, moi, il y a des gens que j'ai écoutés pendant des années, que je connaissais pas leur tête, et le jour où j'ai vu leur tête, j'étais tellement surpris, parce que j'associais pas la voix que j'entendais depuis des années à la tête. Imagine beaucoup de choses. Hein. Voilà. On sait pas à quoi les gens ressemblent souvent, et on se dit, bah, oh là là, on n'imagine pas, mais le jour où on les voit, des fois, on est surpris, on dit, mais non, c'est pas possible qu'ils ressemblent à ça, ou qu'elles ressemblent à ça. Je me souviens d'une animatrice de radio sur France Inter qui s'appelait Chris, qui avait une voix, qui me faisait rêver. Dès que je l'écoutais, j'étais en pamoison en écoutant cette voix. Elle est malheureusement décédée, mais bon, et en plus, elle a correspondu à quand j'ai vu son physique, c'était un petit bout de femme, tout mignon, une petite blonde, comme je les aime bien, hein. Je dis ça parce que j'en ai une à la maison. Hein. Oui, j'avais compris. Mais voilà, Chris, c'était une voix typique et puis qui était ouverte, t'entendais dans sa façon d'interviewer les gens justement qu'elle la voix écoutait la voix des autres, tu vois. Parce qu'aujourd'hui il y a des animateurs, tu les écoutes, ils interviewent des gens, mais les gens n'ont pas le temps de répondre. Oui, ça moi des fois je le vois souvent dans les trucs d'information où ils posent une question à quelqu'un et puis finalement ils répondent à sa place. Je dis, mais laissez-le parler, vous lui posez une question. Complètement. Mais bon, voilà, il y a des choses. Je te pose une question, mais je veux que tu répondes ça. Quoi, finalement dans leur tête c'est ça. Et si on répond un petit peu à côté, il interrompt. Non, il est là pour parler, laissez-le parler. Je pense que les gens qui font de la radio devraient écouter comment s'appelait l'émission avec Jacques Chancel. Je sais pas si t'as connu ça, les interviews de Jacques Chancel. Mais voilà, parce que là, c'était un gars qui écoutait. Il écoutait. Il posait des questions, mais il attendait et il écoutait les réponses. Mmh. Et il y a des interviews qui sont fabuleuses. Je me souviens notamment, bon, c'est Jacques Brel. C'était pas le Grand Échiquier, c'était à la télé, mais je me rappelle plus l'émission qu'il faisait à la radio. Et si t'as l'occasion de réécouter, et je conseille à ceux qui veulent faire de la radio, surtout des interviews, allez réécouter ce genre de personnes. Vous allez voir ce que c'est que la radio et surtout apprendre à écouter les gens. Quand vous posez une question, il faut toujours attendre la réponse. Parce que c'est pas le cas souvent et c'est malheureux. Parce que des fois, c'est pour ça que ça crée des quiproquos. Parce que les gens, ils s'écoutent plus. Ils posent une question en voulant déjà la réponse. Ouais. Non, mais ce qu'ils veulent aujourd'hui aussi, si on regarde dans les émissions comme ça, où il y a des invités, souvent, l'animateur, il dirige. C'est lui qui dirige, et puis il va faire dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire. S'ils ont envie de le couper, ils le coupent quand ils veulent. Alors qu'en vérité, non, une émission doit recevoir quelqu'un et le laisser parler. Bien sûr. Finalement, lui tendre juste la perche pour qu'il puisse se divulguer, se parler de lui, parler de... Je pense que c'est la chose la plus importante, quoi. Mais surtout, voilà, c'est quand on veut faire découvrir quelqu'un, faut le laisser parler. Tout à fait. Quand t'as des invités, toi, tu leur parles, tu leur poses une question et t'attends qu'ils aient répondu. Si tu leur dis, voilà, c'est quoi ta musique? Et puis que le mec, il a à peine répondu, il dit, bon, t'aimes pas le rock'n'roll? Bah non. Ouais. Ou alors, moi, ce qui me dérange le plus aussi, c'est quand des gens parlent des fois à la place des autres personnes. Donc on pose une question à une personne et la personne est en train de réfléchir et puis quelqu'un d'autre répond à sa place. Ouais, mais toi t'aimes pas ça. Tu vois, c'est encore plus dérangeant ça. Et on le voit des fois sur des plateaux de télévision, Je dis, mais attends, laissez-le parler, vous lui avez posé une question. Oui, non, mais. Donc, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le temps d'écouter les autres. On veut aller vite, on veut aller faire. On veut. Voilà, on veut que l'émission soit d'une certaine manière, donc on la dirige de certaines manières. Et voilà, c'est. Mais non, non, il faut prendre aussi le temps d'écouter les personnes, quoi. Voilà, c'est ça, t'as dit, on veut aller vite. Tout doit aller très très vite. Allez, vas-y, dépêche-toi, fais ci, vas-y, réponds vite, fais ci, fais ça. T'as pas le temps de on prend plus le temps de vivre. Mmh. Alors, moi, j'aime pas ce que. En parlant comme ça, on va dire, ouais, tu parles comme un vieux con. Non, c'est pas vrai. C'est que, voilà, aujourd'hui, toutes les choses vont trop vite et on va tellement vite qu'on va se casser la gueule avec, en allant vite. On prend plus le temps de regarder, d'observer, d'écouter, d'entendre, de comprendre. On veut aller trop vite. Mais voilà. Mais bon, aussi, le fait, tu disais, on parle comme un vieux con. Des fois, oui, on a quelque part. Mais si on parle comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'on a connu une époque où les choses étaient. Certaines choses étaient meilleures à une époque. Oui. Aujourd'hui, je dis pas, il y a des choses qui sont nettement mieux. Ah bah oui, tu as parlé de technologie. Voilà, technologie, plein de choses comme ça qui nous permettent. Et après, donc, c'est sûr qu'on va, on va pas dire, on va pas regretter une époque parce que aujourd'hui c'est mieux sur certaines choses. C'est vrai que la vie évolue, mais on regrette certaines choses quand même d'une autre époque qui était mieux, quoi. Voilà. Bien sûr, mais forcément dans toute époque il y a eu des bonnes choses. Et ce qu'il faut faire, c'est justement garder ces bonnes choses, les développer et puis vivre avec et en créer d'autres. Forcément, c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est aller de l'avant sans oublier d'où on vient. Tout à fait. Et ce qu'on a fait, on avait fait tous, on a fait des erreurs, corriger nos erreurs pour ne plus les faire, les apprendre, expliquer aux gens pourquoi c'était une erreur et pourquoi on ne doit plus la faire. Maintenant, aujourd'hui, on n'a même plus le temps de ça. On fait une connerie, paf, on raye et hop, on passe à autre chose. On n'analyse pas. On n'analyse pas du tout l'action qui a été faite. On s'en fout, voilà. On monte l'action, on passe à autre chose. On la juge, on l'analyse pas, on la juge parce que c'est souvent ça. Et puis voilà, on passe à autre chose parce que voilà. Aujourd'hui, on parle de ça. Demain, c'est trop tard. Allez-y, c'était hier, voilà. C'est vieux maintenant. C'était hier. Très bien. Donc voilà, on papote, on dit plein de choses dans l'émission Mavrica. On parle de musique. Et pour en revenir à la musique, c'est pareil. Il y avait des musiciens qui ont fait des choses extraordinaires et qu'on a jeté comme ça avec l'eau du bain. Alors que voilà, moi je pense, j'écoutais il y a pas longtemps Richard Gottener. Mm-hmm. Voilà un musicien qu'il était bon. Il est toujours bon parce qu'il joue toujours. Et malheureusement, bon, on le voit plus beaucoup. Mais voilà un musicien qui avait de la recherche, qui avait de l'idée, qui avait de la folie, qui avait de l'ouverture d'esprit, qui était. Moi, voilà. J'ai vu dans des trucs, j'ai des vidéos même qui ont été faites dans certaines émissions où il apparaissait déguisé, oui. Et puis avec son style, avec son. Voilà. Il faisait pas qu'interpréter une chanson, il a amené tout son univers sur le plateau. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai vu il y a pas très longtemps, il y a un an ou deux de ça, où il avait une chanson qui s'appelait Trois vieux papis. Je sais pas si tu te rappelles. Trois vieux papis, papotes. Ouais. Et donc, j'ai vu une vidéo où non, il la chantait pas, mais il la récitait. Et c'était extraordinaire. Et je sais pas si tu te souviens de la vidéo aussi où il chantait Trois vieux papis. Et en vérité, c'était un montage où il y avait trois fois Gottener. Oui, oui. Et il jouait les trois vieux papis. Ce qui était à l'époque un exploit parce que ça faisait pas comme ça. C'était pas si simple que ça. Mais oui, mais voilà, ça fait partie des musiciens. Gérard Manset aussi. Gérard Manset. C'est un grand artiste. Un album par an pendant je sais pas combien d'années. Et pratiquement, il faisait tout lui-même. Tout lui-même. Donc c'était vraiment, il avait son studio chez lui. Basse, batterie, accord. Il jouait tous les instruments. Il chantait, il écrivait les paroles. Et il avait un univers à lui. Voilà. On écoute Gérard Manset, on sait que c'est genre. L'un des premiers à avoir fait ce qu'on appelait à l'époque un album concept, qui s'appelait La Mort d'Orion, et qui était en fait l'album concept, c'était tout l'album racontait la même histoire avec des chansons différentes, mais voilà, il s'appelait La Mort d'Orion. Et pour ceux qui sont curieux, allez voir. Je sais pas si on va le retrouver sur Internet ou sur YouTube, mais voilà, ce sont des artistes, des vrais musiciens, des vrais auteurs qui travaillaient avec du temps, on revient aux mêmes choses, hein. On revient au temps, ils prenaient leur temps. Parce que Gérard Manset, quand il travaillait sur un album, il le faisait pas en 10 minutes, hein. C'était pendant 3 semaines ou un mois. Lui, c'était un an, deux ans, et voilà. Il avait pris l'habitude tous les ans, il sortait un album à peu près. Et Et après, je crois que même ça mettait 2 ans entre 2 albums. Et il a un paquet d'albums qu'on n'écoute pas forcément dans toutes les radios. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'écoute sur aucune radio, ce qui est bien malheureux. Que j'avais eu la chance moi, de découvrir dans certaines émissions un peu spéciales. Je pense entre autres, c'était sur Radio Luxembourg. Hein. c'était avec comment il s'appelait ? Je me souviens plus. Ça va me revenir. C'était Horizon. Comment ça s'appelait ? Poste Restante avec. Ouais, je vois que Jean-Bernard Hébé. Voilà. Jean-Bernard Hébé. Et c'est là que j'ai découvert moi. J'ai romancé. Ouais. Mais il y avait plein de gens qui étaient fabuleux. Le groupe Ange. Mmh. Ange, les albums de Ange, mais il faut les écouter, il faut écouter les textes, les musiques. C'était fabuleux, c'était. Alors, bien sûr, c'est des gens qui bon, ils tournent encore Ange, hein, Ange, ils tournent encore. C'est pas des zéniths, mais ils remplissent encore pas mal de salles, et c'est bien. Et Christian Descamps, le chanteur, était comment ça, avec son fils d'ailleurs, ils jouaient le père et le fils ensemble. Ils tournent encore, et voilà, c'était aussi des albums conceptuels et qui ont eu leur époque et qui cherchaient, qui travaillaient, qui prenaient leur temps aussi pour construire, qui construisaient un univers, voilà. Donc voilà, c'est un vieux con qui parle, qui parle. Mais tu parles de choses qui ont été oubliées, qui malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intemporelles. On va dire ça comme ça. Il y a des choses que bon, on oublie et on s'en fout un petit peu. Moi, il y a des choses que je réécoute, je me dis mais attends, on écoutait ça, c'était un peu. Mais il y a des choses que je réécoute encore aujourd'hui, hein, 10, 20, 30, 40 ans avant nous, bien sûr, oui. Et qui étaient déjà révolutionnaires et qui aujourd'hui paraissent un peu banales, mais qui à l'époque étaient vraiment formidables, quoi. Et encore aujourd'hui, on les écoute avec beaucoup de plaisir. Moi, il y a plein d'albums que je réécoute avec beaucoup de plaisir comme ça. Et voilà, donc c'est bien d'en parler. Et oui. C'est bien de donner aussi envie aux gens qui n'ont pas connu cette époque-là d'aller découvrir. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a des enregistrements qui sont là. On peut chercher sur Internet, on peut chercher plein de choses. Et au lieu d'écouter que des trucs actuels, il y a aussi des choses anciennes qui étaient très très bien, quoi. Voilà, qui permettent de construire. Moi, j'avais vu il y a quelques années de ça l'Astrolabe ici à Orléans. Un groupe, ils avaient repris. Alors, ils faisaient du rap, mais sur des textes de Léo Ferré. Oui. Je sais pas si ça te parle. Je sais plus dans le groupe. La vie d'artiste. C'est peut-être ça. C'était La vie d'artiste, ouais, que j'ai eu l'occasion de voir aussi. Et je trouvais ça extraordinaire. Et c'était la preuve aussi que voilà que Léo Ferré, ce qu'il écrivait déjà à l'époque, était moderne et reste toujours moderne. Moi, je relis des textes et où j'écoute encore de Jacques Brel, c'est la même chose. Les textes, quand tu relis le texte, ils sont aujourd'hui, je sortirai des textes de Jacques Brel, ils sont encore d'actualité. Ouais. Moi, je pensais aussi à Georges Brassens que j'ai écouté. Mais j'allais t'en parler. Et Georges Brassens, on écoute des trucs, on dit mais attends, mais ça n'a pas changé, c'est exactement comme ça, quoi. C'est, bien sûr. Voilà, il l'avait dit à son époque, mais aujourd'hui, on pourrait y reprendre son texte et puis le mettre sur des musiques un peu plus actuelles. Et ça passerait très bien, voilà. Bien donc. Sûr. Il y avait, dans un autre ordre d'idée, François Béranger. François Béranger, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles. Après, ouais. C'est pareil, c'est un monsieur qui avait ses textes qui étaient qui étaient bien, qui étaient actuels, qui étaient vraiment dans l'époque, dans la mouvance de l'actuel, et qui savait parler bien avant les autres, bien avant les autres, non, parce qu'il y a eu il y en a eu d'autres avant, mais quand il parlait des paysans, on était dans la ferme avec lui. Quand il parlait des montagnards, c'était pareil. Quand il parlait de Magouille Blues, bon, c'était tous les 7 ans, même parfois avant, on a le droit au grand carnaval, aujourd'hui c'est tous les 5 ans, tu vois, c'était déjà d'actualité. Donc voilà, donc moi effectivement, comme tu dis, je conseille aux gens qui veulent faire de la chanson, ou qui font des chansons et tout ça, de temps en temps, allez voir ce qu'ont fait vos aînés. Il y a plein de choses qui ont été oubliées, mais je suis sûr que si on le remet au goût du jour, c'est des choses qui marcheraient très bien aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr. Mais bon, c'est un petit peu oublié, et puis le fait que ce soit ancien, on se penche pas trop dessus. Et des fois, il vaut mieux fouiller aussi dans ces trucs-là. Et on peut ressortir. Moi, j'ai vu des morceaux ou des paroles qui sont très anciennes et qui ont été reprises par des groupes, et ça fait des succès derrière. Hein, donc voilà. Et puis voilà, il y a aussi il faut écouter les les textes. Moi, j'adore les textes, hein, tu me connais maintenant, surtout les textes en français, les autres, je les comprends pas. Mais j'adore les textes. Et je me suis fait plaisir, il n'y a pas très longtemps de ça, à écouter du Alain Souchon. Et ben, écoutez les textes d'Alain Souchon. C'est très bien écrit, moi, j'aime bien. Avec des mots simples. Ouais. Et c'est une simplicité, tout le monde comprend les textes, parce que des fois il y a aussi des gens qui écrivent très bien, mais alors on arrive à la fin de la phrase, on a oublié ce qu'il avait dit au début. Il y en a aussi qui savent se servir de la langue française avec des mots très simples et faire des phrases très très belles, simplement, avec des images, avec des... Moi je vois par exemple Alain Souchon, c'est vrai qu'il dit des choses avec des jeux de mots, et en vérité qui sont... On voit une image derrière, on voit très bien ce qu'il veut faire, quoi. Ah ouais, je te dis, j'ai réécouté, et vraiment, je trouve que c'est un très très bel auteur, hein, vraiment un très très bon auteur. Il y a aussi mon copain, maintenant je veux dire que c'est mon copain, Benabar. Ouais. Il m'a dit qu'on était collègues, donc voilà, mon collègue, Benabar. J'ai eu la chance de rencontrer il y a pas très longtemps, grâce à mon amoureuse, merci mon amoureuse. Oui, et bah, lui aussi c'est pareil dans son écriture, c'est voilà, j'aime beaucoup son écriture, c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup, et je lui ai dit, parce que je vois, j'aime bien quand j'entends un texte, mettre l'image avec. Tu vois, ben un peu comme que je vous parlais de la radio tout à l'heure, quoi. Quand on entend du Alain Souchon, effectivement, quand il parle des balayeurs de Belleville et tout ça, ben tu le vois le balayeur avec son balai en train de balayer, etc. Quand Benabar parle dans la chanson Je suis de sel, qui est une très belle chanson de Benabar, tu la vois la nana qui était pas très belle, et puis voilà, puis que les gars se faisaient dépuceler avec elle parce que voilà, ils savaient qu'ils allaient y arriver avec elle et qu'ils n'allaient pas forcément y arriver avec les autres malgré tout, voilà, ils avaient honte de se mettre avec elle. Tu vois l'image, tu vois tout de suite. Il y a des auteurs comme ça que quand Oui, et puis c'est des sujets qui sont pas toujours très faciles à aborder, mais qu'ils abordent avec des mots simples, et finalement on connaît tous autour de nous. Par exemple, il y a des histoires, voilà, dans notre vécu, on connaît, on sait à peu près de quoi il va parler, et on se dit, c'est vrai que moi j'aurais jamais eu l'idée de faire une chanson avec ce sujet-là, mais pourtant il y en a certains qui osent, et c'est super bien, quoi. Regarde, il y a une chanson de Brel qui s'appelle Orly, et ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie et les as sont soudés, semble-t-il, l'un à l'autre, toi. Et tu les vois, ces deux personnages qui sont en train de se quitter, qui sont en train de se séparer, et qu'ils ont pas envie. Et puis t'es là, t'es à leur place, et puis presque tu sens la pluie qui coule sur toi, toi. C'est, voilà ce que c'est que les beaux textes. C'est des moments, ils arrivent à exprimer des moments, et on les vit au même temps qu'on les écoute, quoi. Voilà. Simplement. Donc, on va écouter un artiste, des artistes de la région de Tours, hein, il me semble. Oui, ils doivent être de par là. C'est le groupe Angeville. Est-ce que tu connais le groupe Angeville? Non. Alors, sur Orléans, on ne les connaît pas encore très bien, mais moi, j'ai connu depuis pas mal de temps. J'ai déjà diffusé pas mal de morceaux différents. Là, je propose d'écouter un morceau. Ils écrivent en français, ils chantent en français. Donc, ça va te plaire. Le morceau s'appelle L'Absence. C'est un morceau qui est sorti la semaine dernière. Je devais le diffuser dans l'émission, mais voilà, j'ai pas pu le diffuser. Donc, je le diffuse cette fois-ci. J'avais demandé d'envoyer le fichier parce que le fichier, il y avait un petit souci. Cette fois-ci, je l'ai là. On va écouter le morceau d'Angeville qui s'appelle L'Absence, et juste après on va écouter un autre morceau d'un autre artiste français, et puis je te laisse te découvrir, hein. il y a pas de souci. On est dans l'émission Maureka, c'est la 505e, et nous allons écouter tout de suite Angeville. Juste un pas de plus vers la folie. Je ne suis qu'un intrus, un incompris. Au nom de qui, toi, tu t'absentes tout en dilettante. On se ressaisit dans les épreuves, même si les souvenirs nous émeuvent. De frêles intrigues nous transportent. Je ne suis qu'un funambule en sorte. L'absence, comme un pavant vers nos silences. De l'alcool jeté dans les braises, la fiction est partout. Les empreintes sont dessus, dessous, soit les feintes.

la terre. Donc on vient d'écouter un morceau. Le monde est beau. Est-ce que tu trouves que le monde est beau? Ouais, malgré tout, ouais, c'est les humains qui sont pas tous beaux, mais le monde par lui-même il est beau. Quand tu vois, moi je vois des tas de belles choses, même en sortant. Tu vois, en ce moment, toi, en plus c'est l'éclosion de la nature, donc forcément t'as envie d'ouvrir les yeux, de ressentir. Moi des fois ça m'arrive de partir très tôt le matin pour aller travailler, puis j'entends les oiseaux qui chantent. Putain que c'est beau, c'est oui, s'il y a des traits, le monde par lui-même il est beau. Après les hommes, ce qu'ils en font, ça demande à beaucoup de conversations, de discussions. Mais le monde, oui, je crois que le monde est beau. Et je vais te poser une autre question. Alors, est-ce que l'humanité, est-ce que l'homme est bon? Alors, comment t'expliquer ça? Je pense que fondamentalement, oui, l'homme est bon. Maintenant, il y a des petits travers en lui qui font que ça le rende horrible. Notamment le fait de vouloir posséder, le fait de vouloir commander, le fait de pouvoir dominer. Voilà, c'est ça en fait qui le rend horrible. La jalousie, enfin tous ces sentiments, ces ressentiments qui ne sont pas, qui sont humains certes, mais qui sont pas bons. Je veux dire, voilà, combien de gens jalousent des autres, combien de gens dénoncent des autres parce qu'ils sont jaloux, combien de gens tapent sur des autres, combien de gens tuent des autres. On va pas parler de ce qui se passe en Ukraine, mais voilà, c'est quoi? C'est simplement de la jalousie, c'est simplement une certaine nostalgie d'époques qui ne sont pas, qui sont révolues et qui heureusement sont révolus. Mais voilà, il y en a qui voudraient encore. J'entends quelqu'un, non? Il n'y a pas quelqu'un derrière. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Allô, bonsoir. Bon. Oui, allô. Bah, il y a quelqu'un. Comment se fait? Oui, tiens. Bonsoir, monsieur. Ça va, Irène? Tu vas bien? Doucement, hein, on va dire. Mais bon, ça va. Alors, tu écoutes l'émission et puis tu disais, bah, disons, David, il est bavard. Hein. Je dis, bah oui, il a plein de choses à dire. Ah, il y a tellement longtemps que je ne suis pas venu aussi. Comment? Il y a tellement longtemps que je ne suis pas venu. J'entends mal. Je disais, il y a tellement longtemps que je ne suis pas venu. Ouais, d'accord. Ouais. Mais bon. Comment vas-tu, David? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, oui, ça va bien. Je suis content d'être là déjà, de retrouver un peu le micro, ça s'entend déjà. Mm-hmm. Et puis voilà, non, puis la vie est belle, hein, les oiseaux chantent, comme je disais tout à l'heure. Je vois des belles choses encore, j'entends des belles choses. Albino me fait découvrir de très belles choses là sur les ondes. Donc voilà, oui, ça va bien. Et toi, Irène? Oui, ben moi, ça va doucement, quoi, comme une petite vieille, hein, maintenant. Hein. Bah, tu fais comme les copains. Hein. Voilà, moi, ouais. On va tous dans le même sens. Je ne dis pas quand même. Hein. Ah ouais, mais il n'y a personne qui a trouvé la marche arrière encore. Hein. Ouais. Non, mais ça va, quoi, voilà. Il faut savoir se reconstruire, quoi, je pense. Et puis, quand on y arrive, même s'il y a des jours, c'est plus dur que d'autres, voilà, on se dit qu'on a encore de la chance d'être en vie, quoi, voilà. Voilà. Et de pouvoir vivre des choses. Aussi, oui. Puis écouter aussi. Voilà. C'est vrai. D'écouter. Et moi, mon émission préférée, c'est Albino, n'est-ce pas? Très bien. Ah bah merci Irène. Je sais que t'es l'auditrice la plus fidèle de cette émission. C'est vrai que depuis que tu as découvert l'émission et y a eu une petite parenthèse là, dernièrement parce que effectivement tu ne veux plus la recevoir, mais là tu es revenu et puis toujours aussi fidèle. Tu écoutes les artistes, tu connais les gens que je passe, tu t'y intéresses et puis ton enfant, tu nous passes un petit coucou et ça nous fait toujours très plaisir. Ben oui. Bon, disons que j'appelle pas tout le temps parce que des fois je suis fatiguée aussi. Hein. Bah oui, de toute façon. Et après, je comprends tout à fait que, tu sais, il y a des gens, des fois ils me disent, j'ai pas écouté ton émission, comme s'ils devaient s'excuser, mais tu sais, une émission de radio, moi je la fais toutes les semaines. Il y en a des fois les gens écoutent, des fois ils écoutent un peu moins, et il y en a toujours un qui écoute, l'autre il écoutera la fois d'après. Oui. T'écoutes en début d'émission, t'écoutes pas à la fin parce que c'est comme des émissions de 3 heures. Donc, et puis voilà, moi je le comprends tout à fait. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui m'écoutent attentivement et quand je les retrouve, après ils me parlent de telle chose, t'as dit ça à la radio, tiens, le groupe que t'as passé était bien, etc. Tiens, j'aimerais bien aller les voir en concert. Donc voilà, on voit que ça marque quand même les gens. Donc on arrive à toucher pas mal de personnes. Je voulais te dire, quand t'as passé Mandrake, là, j'étais émue. Moi aussi. Je vais dire une chose, c'est que Mandrake, ça faisait un petit moment, et j'ai pensé, je me dis, tiens, il faut qu'on passe un morceau de Mandrake, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a reçu beaucoup de fois ici dans les studios, il a eu beaucoup de lives, et c'est quelqu'un que je regrette vraiment, parce que franchement, il était arrivé à un bon niveau, il avait des bons musiciens, il y avait une bonne équipe, et puis après... Oui, c'est vrai qu'on faisait des émissions jusqu'à des heures pas possibles et tout ça. C'était l'époque où les émissions finissaient rarement avant 1 heure ou 2 heures du matin. Ouais, rarement. Ça c'était le minimum. C'était Mandrake, si tu nous écoutes, hein. Guillaume, hein. C'est ça, Guillaume. Guillaume. Ouais. Alors mon petit Guillaume, si tu nous entends, tu nous fais un petit coucou. Merci. Voilà, au moins prendre des nouvelles, hein. Voilà, même si. Ouais. Donner des nouvelles et puis on prend des nouvelles si ça m'intéresse. Et puis s'il a envie de reprendre sa guitare et venir dans les studios, il est toujours le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un de. Moi j'aimais bien. Voilà. Ouais. En plus, on a des origines en commun tous les deux. Ouais, du côté de. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure. C'est le pays juste à côté, la Pologne. Oui, c'est la Pologne, oui. Ouais. Voilà, donc toi, tu viens de l'Est de l'Europe. Hein. Moi, je suis née en France. Oui, tu es née en France, mais c'est des origines que tu as, voilà. Oui, bah oui. On ne peut qu'être fier de ses origines, quelles qu'elles soient. Moi, je dis, il faut vraiment pas renier ses origines. C'est très important de savoir d'où on vient. Et justement, ça nous permet d'éviter des erreurs en disant, voilà, l'autre, nous aussi, des fois, hein, on a des origines qui viennent d'un côté d'un autre. On est le mix de pas mal de choses. C'est ce qui fait notre richesse. Moi, je peux en parler en connaissance de cause aussi. Entre le Mexique et la Bretagne, ça fait un grand écart quand même. Et puis, la France est quand même un pays, un carrefour. Ça a toujours été un carrefour. Depuis toujours. Donc, il y a des gens de toutes les origines et c'est ça qui fait la France, quoi. Moi, je trouve que c'est ce qui fait fabuleux. On en revient pareil au mélange, voilà. Au mélange. C'est vrai. Donc toi, tu es l'auditrice la plus fidèle de l'émission Mavrika et je voudrais en profiter aussi pour faire un petit coucou à tous les gens qui ont mis du petit j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc j'ai mis le programme avec tous les morceaux qu'on écoute dans cette émission. Et donc il y a Max, tiens, qui est venu il y a quelque temps, Max de Giovanni, on écoutera un petit morceau tout à l'heure. Gilles Montigny, qu'on connaît, qui joue dans Prisma, Jimmy Sugar, Julie, elle n'est pas musicienne. Julie Arpin. Il y a Aurélie aussi, du groupe Neutol. D'ailleurs, j'ai calé un petit morceau tout à l'heure. Hervé Deroff. Petit Ben, c'est du groupe Turn Off, voilà. Morgan, c'est du groupe Jartel. Monsieur Alex, du groupe Skawax. Marc Thomé, qui est un artiste de Paris. D'ailleurs, il faudrait qu'il vienne un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son travail, puisque c'est un Portugais qui vit à Paris. Et il chante aussi bien en portugais qu'en français, et même en anglais. Donc, si un jour il a envie de venir, il n'y a pas de souci. Jean-Frédéric Bach, un artiste aussi du groupe qu'on a passé tout à l'heure, le groupe Dirty Charlie. On avait commencé l'émission pratiquement avec ce morceau-là. Voilà, tous ces gens-là. Et puis après, Morgan, Christophe, Jimmy, voilà, les gens. Donc, j'ai envie de leur faire un petit coucou, parce qu'ils me font un petit coucou, et c'est normal que je leur réponde à travers les ondes. Voilà. Tu vois, je mets toujours un petit cœur, hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Ouais, toi, il y a toujours un petit cœur. Des fois, tu mets aussi des petits, des smileys, des émoticônes. Ouais, des émoticônes. Oui, voilà, tout à fait. Et carrément des, comment on dit, des gifs ou des gifs? Des gifs? Des gifs, ouais. Oui. Moi, je dirais gifs, en français. Ah oui. T'as pas vu ça? Il y avait une, un truc qui s'est relayé sur Facebook qui, où, par propos de Maître Gims. Ouais, il y en a qui disait, non, c'est Maître Gims. Hein? Tu dis pas, je sais plus ce qu'elle disait, tu dis pas girafe. Tu vas pas au zoo, tu vas pas au zoo voir les girafes et les jaurilles ou un truc comme ça. Et après, il dit, tu veux une gifle? Ouais, c'était drôle. Il aurait voulu s'appeler Maître Gims, il aurait mis un U. Ouais. Parce que G et I, ça fait Jim. Bon, ça, c'est une blague. Tu entends mal, hein, franchement. Tu peux remonter le son, non? Non, ou alors ce que tu fais, te remonte ton son automne. Ah non, dis donc, t'as de la chance que je suis pas à côté de toi. Non, nous on t'entend bien, nous ça passe bien, mais bon après c'est, tu nous entends oh, après. Allez, j'ai parti des affreux, hein. Bah oui, les affreux, j'ai pas changé, hein. Ah ouais, ouais. T'as des nouvelles des fois des affreux, non? Un petit peu. Non. Oui, de temps en temps, on a quelques petites nouvelles, mais bon, c'est vrai que là avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué, et puis. Comme on disait tout à l'heure sur Mandrake, il y a des gens qui sont venus pendant un certain temps et après on les voit plus. Et puis voilà, c'est l'histoire des musiciens, hein, en général, de l'équipe de Mavrika aussi, où il y a des gens qui étaient là tout le temps et qui finalement sont passés à autre chose, d'autres qui sont arrivés et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Ouais. Moi, je voulais, si tu me permets, je voulais remercier certains musiciens que on s'est demandé en ami, tu vois, depuis des années et qui restent fidèles. Mmh. Il me reste aussi fidèle, quoi. Oh, franchement, j'apprécie beaucoup, hein. Ah, bah, je sais que, moi, souvent, il y a des musiciens, et puis je parle de, tiens, c'est Irène. Ah oui, ils se souviennent de toi, hein. Parce qu'il y en a certains, je sais pas s'ils se souviennent de toi ou pas, alors je pose des questions, et si, on s'en souvient, hein. Ouais. Inoubliable, Irène. Oh là là, affreux. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était bon moment, tout ça, franchement. Ouais. Voilà, ça fait plaisir de discuter, de prendre le temps. Il faut prendre le temps. Oui. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de partager, prenez le temps de d'être juste ensemble, simplement. Hein, des fois, ça suffit. Comme dirait David, d'écouter. Ouais, écoutez. Voilà, on est là, on écoute les gens, et puis voilà. C'est vrai. Ben voilà. Ah, ça fait du bien de vous entendre en direct, comme ça, quoi. Waouh. Il y a des oiseaux et tout dans le studio. C'est un oiseau qui s'est échappé tout à l'heure. Il était dans le monde des beaux, hein, voilà. le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Et toi, alors, tu trouves que le monde il est beau, que les gens sont, que l'être humain est bon? Le monde est beau. C'est des gens qui, certaines gens qui sont pas très très belles, moi je trouve. Ouais, il suffit de quelques-uns pour mettre le bazar, finalement. Ah, oui. Parce que la grande majorité, ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement. Voilà. Et il y en a quelques-uns qui veulent tout. Ah, oui. T'as dit la chose exacte, c'est la grande majorité. Alors que t'es tranquille, peinard dans ton petit coin, et puis en fin de compte, ben non, ça vient te titiller, là. Oh là là, c'est terrible, hein. Irène, ce que je disais, c'est que la grande majorité des gens sont cool, c'est des gens qui veulent du bien à tout le monde, qui veulent vivre heureux, etc. Et qu'il y a une minorité qui ont des grandes bouches et qui se font passer pour majoritaires alors qu'ils ne le sont pas forcément et qui font escagasser tout le monde. Ah bah oui. Et alors qu'on est majoritaire à vouloir être bien, tranquille, cool dans notre maison, avec nos amis, avec nos amours, avec nos enfants, avec nos copains, etc. Donc voilà. Mais à les écouter, ils sont plus nombreux et ceux qui ont raison, je dis non. Tu sais, je vais dire un truc, David, le Covid, ça n'a comment dirais-je? Ça a plutôt envenimé, quoi. Ça n'a rien arrangé, tu voulais dire. Voilà. Oui, mais après comme on disait tout à l'heure. Il y a eu aussi des événements en ce moment avec l'Ukraine et tout ça, quoi, plein de trucs. Oui, mais justement, c'est dans ces moments-là où il faut se regrouper et se dire, voilà, il y a autre chose à vivre que la guerre, autre chose à vivre que le Covid. Mais je crois que le Covid, ça a vraiment atteint certaines personnes. Hein. Oui, mais c'est. Moi qui vis dans un milieu où il y a quand même des aides-soignants, des infirmières. Des infirmiers, des médecins et tout, je peux dire que waouh, il y a des jours, tu te dis, attends, c'est quoi ça? Mais je sais bien, je sais bien. Tu sais, moi, j'ai un travail qui fait que on a senti. Moi, j'ai perdu mon travail à l'époque à cause du Covid. Donc, je l'ai ressenti aussi. Il n'y a plus de tourisme, plus rien. Donc voilà, on voyait plus les gens. Alors que moi, j'étais parti toutes les semaines. Je partais à droite ou à gauche sur la planète, enfin en Europe. Mais voilà. Et donc, j'ai bien ressenti ça. Mais d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, par rapport au Covid, il y a eu des belles choses qui ont été faites. Il y a des gens qui en ont profité pour créer, pour se rencontrer sur les réseaux sociaux, qui ont créé des choses sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faut bien sûr, il y a eu des mauvaises choses, mais faut pas toujours mettre en avant les mauvaises choses. Faut mettre en avant aussi les belles choses. C'est comme il est. Oui, mais on a tendance trop à en parler mauvaises choses. Moi, je. On en parle pas assez, tu vois. Alors pourtant, ça veut dire que tu écoutes pas la radio, ça veut dire que tu écoutes pas la télé, ça veut dire que tu ouvres pas les journaux, ni les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on parle que de ça. On parle pas des bonnes choses. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On parle toujours de ceux qui sont en retard. Et ça, je trouve ça dommage. La télé, ils en parlent. Hein, justement, oui, ils parlent des mauvaises choses, justement. Donc. Pas que de ça. Justement, donc il faut faire autre chose, il faut écouter autre chose, il faut écouter Marika. Marika, on parle pas de ces choses-là, on parle de bonne musique, on parle de bonnes chansons. On dit que des choses positives. Voilà, moi je voulais aussi, là on est en train de parler de, tout à l'heure on a parlé du personnel médical, donc les aides-soignantes, les infirmières, tout ça. Oui. Ces gens-là qu'on oublie un petit peu trop. Et moi j'ai envie de, justement, leur faire un petit coucou à travers les ondes de Radio Arc-en-Ciel, hein, parce que ils le méritent vraiment, franchement. Ils continuent à faire leur métier dans des conditions qui sont pas toujours très bonnes, ils n'ont pas toujours les bons moyens, ils sont pas payés énormément, ils réclament pas mal de choses, et eux, ce qu'ils voudraient, c'est simplement pouvoir s'occuper des patients correctement. Et aujourd'hui, ils veulent bien faire, et ils font très bien, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire, et ils le font quand même. Et donc, j'ai envie de leur tirer le chapeau et leur dédier cette émission. Voilà. Alors, pour en venir aux soignantes, excuse-moi, Irène, juste une chose. Pour en venir aux soignantes, Jimmy a sorti une chanson. Tu m'écoutes? Jimmy a sorti une chanson pour s'appeler Les Blouses Blanches. Toi. Oui. Et on a fait un clip dessus, etc. Nanana. Et il y a eu des gens qui ont dit ouais, c'est super et tout ça. Mais il y a un nombre de gens qui ont dit ouais, elle fait ça parce qu'elle veut profiter, elle veut se faire une gloire là-dessus, tout ça. Alors que l'objectif, c'était justement de rendre hommage, de dire voilà, il y a ces femmes, il y a ces hommes qui travaillent tous les jours, qui affrontent la maladie, qui affrontent les patients dans des situations, comme tu expliquais, difficiles, aussi bien matériellement que financièrement. Et qu'au niveau de familial, parce que ça leur a coûté pour beaucoup au niveau de famille, puisqu'ils pouvaient plus se déplacer, ils étaient obligés de dormir soit sur place ou soit à proximité, en ne puissant plus aller voir leurs enfants tous les jours ou leur famille comme ils voulaient. Donc voilà. Nous, c'était, quand on a fait cette chanson-là, c'était avec Jamie, c'était uniquement pour les mettre en valeur, pour leur rendre hommage, tu vois. Et ben, il y a toujours eu des gens qui ont critiqué, mais ça n'empêche pas qu'on a avancé. Voilà, et on a continué. Les applaudissaient à 20h le soir, tu te rappelles? Bah oui, ben bien sûr. Mais aujourd'hui, qui applaudit qui? Personne. Ouais, voilà. Et puis on leur a promis un tas de choses, et est-ce qu'on l'a obtenu? Pas du tout. Ben non. Et une fois même celles qui n'ont pas voulu se faire vacciner, alors qu'elles ont travaillé dans des mauvaises conditions et tout ça, pour les remercier, on a dit, vous voulez pas vous vacciner? Dehors. Et il y en a qui ont été exclus comme ça. Et donc, en plus, alors qu'à un moment, on leur demandait pas s'ils étaient vaccinés ou pas, on leur a dit, tu affrontes, et puis t'as pas les moyens, et tu affrontes quand même. Et elles étaient là. Moi, je sais qu'ici, il y en a pas mal qu'on ne revoit pas. Alors, je sais pas si c'est à cause de, elles veulent pas se faire vacciner ou autre chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnel en moins, donc il y en a de temps en temps des remplaçants, comme on dit, tu vois. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Voilà, quoi. Bah, moi, l'autre fois, quand j'ai appelé, j'avais fait une petite dédicace aussi, tu te rappelles? Non? Oui. Ouais. Bah, moi, je sais que je suis aux écureuils. Voilà, ça, j'en vrai. Je sais pas s'il y en a, qui écoutent l'émission, parce que moi je leur dis de temps en temps que le vendredi soir il y a un Africain, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'ils sont en train de manger les noisettes. Les écureuils. Enfin bon, non mais c'est vrai que c'est plus ce que c'était, hein, le monde, hein. Franchement. Comme on disait, c'est vrai qu'on se plaint de ce qu'on a perdu, mais finalement, il y a aussi plein de choses qui ont évolué dans le bon sens. Et il faut toujours aller de l'avant. Il faut pas avoir le verre à moitié vide. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Donc, comme on dit, donc il faut être optimiste. Ouais. Et puis, par contre, essayer de pas perdre des valeurs. Essayer de garder des bonnes valeurs. Et puis les assembler au progrès qui a été fait. Parce que moi, j'ai un copain qui m'a donné un bon conseil à propos du verre à moitié vin, à moitié vide ou à moitié plein. Ouais. Si tu trouves qu'il est à moitié vide, tu prends un verre un peu plus petit et tu le verses dedans et tu verras qu'il est plein. Il est plein. Ah ben ouais, faut voir. Non, mais bon, c'est vrai que bon, après tout dépend de la situation qu'on vit aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ah ouais, mais il faut savoir tirer le positif de chaque situation. L'être humain, on disait tout à l'heure, avec le Covid et tout ça, bah, il s'est adapté. Il y a des choses qu'il faisait pas, qu'il a été obligé de faire, et ça l'a permis aussi d'évoluer, et voilà, on s'adapte toujours. Donc, voilà. Les artistes pouvaient pas faire les concerts, mais ils ont fait des enregistrements, ils ont composé, ils ont fait d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont contents de revenir sur scène, et puis ils vont mettre la patate, On a la patate dès qu'on arrive sur scène. Tu peux pas savoir, moi, dès que je prends une guitare devant un public, je suis fou, toi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai retenues, c'est comme tu accélères, puis tu lâches le frein à main tout d'un coup, bon, ça avance. Et ben voilà, ça me donne cet esprit-là. Et beaucoup de mes collègues, ils sont comme ça. Voilà. Et mon collègue Benabar, il me l'a dit, voilà, maintenant qu'on a repris les concerts, on est heureux. Voilà. Ah, bah oui, c'est ça. Oui. Tu sais ce que c'est mon plus grand regret? Non. C'est de n'avoir jamais assisté au Maverick Alive. Mais attends, je regrette. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de Maverick Alive, on va essayer de relancer le truc, on va essayer de voir ça, et on te promet que le prochain, tu seras là. Ok? Irène, moi je vais te faire si tu veux bien, je vais te faire un cadeau. Tu veux bien que je te fasse un cadeau? Tu m'organises ça, alors je sais pas, je connais personne aux écureuils, etc. Tu m'organises ça, tu me mets quelqu'un en contact. Tu demandes, et puis moi je viens avec ma guitare et je vous fais un concert. Ah, c'est cool ça. Il y a déjà des gens qui viennent un petit peu, tu vois. Ah, bah justement, il faut essayer de voir. Justement, tu proposes que ouais, tu dis, David, en plus, il a un style de musique qui va plaire à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est ta musique, tout le monde peut l'écouter. Oui. De 7 à 60. Qu'est-ce que je dis, 60? 177. Voilà. Ah, d'accord. Oh là là. Bah écoute, j'en parlerai là, parce que là il y a pas mal de gens en vacances en ce moment, là, que ça soit animation, tout ça, c'est pas évident. Mmh. Voilà. Ouais, mais le temps de mettre ça en place, hein, en tout cas le truc est lancé, donc maintenant c'est à toi de jouer. Mm-hmm. T'organises ça et puis tu contactes David et puis ça va se faire. Et vraiment, quand je te dis je te love, c'est un cadeau que je te fais en tant que, je crois que la plus grande auditrice de Mavrika. Hein, mm-hmm. Voilà, c'est la récompense d'aujourd'hui, il est 21h20, ton cadeau de la part de Mavrika, c'est ça, voilà. Ah bah dis donc, ce jour-là, ça va pas être triste à mon avis. Hein. Bah oui, voilà. Et moi je viens et je m'engage moi, peut-être que je serai pas seul, mais je m'engage moi déjà à venir pour venir vous faire un petit récital. Bah écoute, je contacterai l'animatrice, elle revient mardi je crois, voilà, il me semble. Voilà, tu vois avec elle, et puis on essaie de se caler une date, et puis je viendrai. Ok, voyons, ça va faire chaud au cœur, hein. Je peux te dire que waouh. Eh ben, tu vois. Dino, tu viendras aussi? Bah écoute, si c'est possible, oui, je viendrai, ouais. S'il y a la possibilité d'y aller, je jouerai le producteur. Je dis ouais, j'accompagne David McLean. C'est moi son. Je m'occupe de lui changer les cordes des guitares et tout ça. Je viens d'apprendre, donc je viens de m'envoyer une nouvelle, que le père à Jimmy a été aux écureuils. Donc toi, elle, ça la touche aussi. Ah bon? Oui. Ah d'accord. D'accord. Ah bah tu vois, le monde est petit, on disait. Ouais. C'est vrai. Ouais, le monde est petit, hein, quand même. Ben voilà, ben oui, le monde est petit. Donc voilà. Donc on te laisse, on va te laisser travailler. Enfin, on va te laisser. On raccroche pas, mais voilà, on va te. La balle est dans ton camp, comme on dira. D'accord. Oui, ben d'accord. Par contre, je l'ai déjà dit à Albino, j'ai perdu beaucoup de numéros de téléphone Donc j'ai plus Albino, enfin je l'ai plus, le tien je l'ai plus non plus. Ouais, ça commence par Gérard aussi, se regarde bien, tu dois bien trouver. Non, je te dis que je les ai perdus parce que j'étais 7 mois sans téléphone. mais tu as le même numéro qu'avant. Oui. Ah donc nous on a ton numéro, on te fera un petit coucou. D'accord. Et puis tu passes en MP pour ce qu'on a dit là. Hein, d'accord? Ouais. Bon, d'accord. Tu m'envoies un message quand elle est, et puis on trouvera une date qui correspondra à nos agendas respectifs. Ouais. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Oh, ça va être cool, bah, tu vois, c'est ça aussi l'émission Mavrika, c'est justement de permettre le contact entre plusieurs endroits, hein, c'est-à-dire l'endroit où toi tu es et les artistes qui sont là dans les studios qui proposent de venir jouer pour les voilà. Tous les gens qui sont là-bas. Non, c'est puis formidable. Ça me fera plaisir de jouer pour toi parce que je me rappelle une fois tu devais venir nous voir, t'avais pas pu parce que tu avais encore des problèmes de santé et je trouvais ça. Et t'étais venu une fois d'ailleurs, je me rappelle une fois. Une seule fois à la Madeleine, à la salle de la Madeleine. Non, mais même ici dans les studios, il y a une photo qui est là, elle est venue une seule fois ici. Ah ouais, dans je me rappelle la salle de la Madeleine. Oui, aussi. Ouais. Hein, où c'était la mascotte. Voilà, ouais, tout à fait. Où t'es venu. Et voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, on récompense, mm-hmm. voilà. Ouais, en récompense de ta fidélité, madame, vous avez un concert. Ça me touche, hein, franchement. Ben voilà, Irène, le rendez-vous est pris. En attendant, on papote, le temps, il arrive, il passe, et on est déjà à la troisième heure, et on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu du tout. Donc, en tout cas, on te remercie de ton appel. De toute façon, on garde le contact. On t'enverra un petit message pour rétablir les contacts, et puis organiser le truc avec David, hein. Pour qu'ils viennent. Et puis voilà, on se mettra en contact. Et moi, si je suis disponible, je viendrai avec lui. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est un plaisir. Voilà. Moi, je vous remercie d'abord pour ce petit dialogue. Là, c'était sympa. Voilà, en direct en plus. Et puis, je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui me connaissent. Quoi. Voilà. Puis ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Hein, c'est pas grave. Oui, hein, je les aime plus non plus. Voilà, tout simplement. Non, je rigole. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, gros bisous, Irène. Gros bisous, Irène. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est vrai. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. On va écouter un petit peu de musique. Au revoir, Irène. Allez, oui. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. On va écouter un petit peu de musique. Ça nous fait toujours plaisir de faire intervenir Irène sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. En plus, ça faisait un petit moment. Donc, et ça fait un petit moment qu'on n'était pas tous les trois. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait quand même partie de l'histoire. Et je propose qu'on écoute un petit peu de musique et on va commencer. On va écouter deux morceaux à la suite. On a pris l'habitude d'envoyer deux morceaux, discuter, envoyer deux morceaux. Et on va parler d'un groupe qui a une association qui s'appelle le même nom que le groupe, qui a un endroit qui s'appelle le Caisson, hein, c'est à Talcy. Donc je vous parle bien évidemment du groupe Red Daff. Ils étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils étaient aussi en concert, j'ai pu assister à leur concert. Et c'est des mecs qui sont super. Moi j'adore, ils sont gentils comme tout, ils sont super agréables. Ils ont un talent de dingue, ils aiment la bonne musique et ils nous le font partager. Le groupe s'appelle Red Daff et je propose qu'on écoute un morceau de leur dernier album qui s'appelle Faune. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Faune. Sous la table, jouer de ta position, toujours les héros. Sur tes réseaux sociaux, tu critiques et tu baves, porté comme un esclave. Well, oh, my phone, you like my phone tonight. Fais-moi un petit selfie. T'as croisé le diable, il a changé ta vie. Partage un maximum de de Paris à London. Tous tes potes font liker, commenter, partager. Hello my phone, you like my phone tonight. Hello my phone, you like my phone tonight. Dégaine ton portable, fais ta révolution. La ligne n'est pas fiable, bug de connexion. Et moi j'aime sur ton journal de haine, histoire personnelle, hashtag est la plus belle. Put your hands on, thousands of, if I feel it. Voilà, donc un groupe qui était dans les studios il y a quelques semaines, le groupe Neutral avec My Heaven, et juste avant, bah c'était Angeville avec le nouveau titre qui s'appelle L'absence. C'est une, tout nouveau. Et l'avantage avec Angeville, c'est que chaque fois qu'il y a un morceau qui sort, hop, je l'ai dans tout de suite derrière. Donc tout de suite derrière. Donc ça fait toujours le plaisir de savoir. Et puis on aimerait bien aussi les faire venir sur Orléans pour qu'ils jouent, parce que maintenant au début c'était deux, maintenant ils sont trois, hein, donc trois musiciens en Angeville, un groupe qu'on suit depuis pas mal de temps et qui aimerait bien venir sur Orléans. Donc si vous avez un bar, si vous avez un endroit où ils peuvent jouer et vous avez envie de les recevoir, bah, vous pouvez me contacter ou les contacter directement. C'est Angeville, Angeville tout simplement sur Facebook, hein, ça sera le plus simple. Voilà. Donc tu connaissais ces groupes-là, non? Non, je te couche, mais je fais bien de revenir en fait, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Ah bah il y en a énormément. C'est vrai qu'on n'a pas fini de faire le tour de tous les groupes. Et c'est vrai que nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on côtoie pas mal d'artistes, on en connaît beaucoup. Mais même comme ça, on a encore des surprises, on a encore plein de choses à découvrir. Alors c'est vrai que de plus en plus, on a des groupes d'Orléans, on a des groupes de Paris, on a des groupes de Blois, Tours, Bourges, Gien. Voilà, on fait vite le tour de ces villes-là, puisque c'est les villes les plus proches de nous. Quoique Paris, ça fait déjà une petite trotte quand même. Hein. Ouais, c'est une petite terrible. Et après, il y en a certains autres qui viennent d'encore plus loin. Hein. On a eu reçu Max de Giovanni, qui était venu de Bayonne, hein, carrément. Et puis, on en parlait tout à l'heure, par exemple, d'Hervé Deroff, qui vient de Brest. Et tu te souviens d'un groupe aussi qu'on avait reçu à deux reprises, hein, de Belgique. Ils étaient venus, les Question Mark. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des reprises. C'était bien ficelé. Franchement, ils avaient fait des lives ici et tout ça. Ce qu'on peut aussi signaler, c'est qu'on a une page YouTube qui est pas très alimentée actuellement, parce qu'on fait pas tellement de vidéos, mais dans laquelle il y a des heures et des heures de vidéos, de lives qui ont été faits dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec beaucoup de gens qui interprètent leurs morceaux en direct live. Hein. C'est des morceaux direct live. Donc je me suis un peu perdu. J'étais sur la chaîne YouTube, donc justement, et là on voyait plein de choses. Et puis hop, je passais de l'un à l'autre et je dis ah ouais, c'était un beau moment. Et ça aussi, et ça aussi, voilà. Donc voilà, nous on est là pour continuer à faire vivre l'esprit Mavrika. Et ce soir, donc, je suis content de recevoir un habitué, notre ami David McLean, qui est là dans les studios pour papoter, hein, aujourd'hui, en tant que chroniqueur, en tant que co-animateur. Ouais, ouais. Voilà. Alors, en tant que chronique, je vais faire une chronique, hein, tu m'avais dit, est-ce que tu feras une chronique? Et j'avais prévu de faire une chronique. Et comme à mon habitude, en général, les chroniques que je faisais à l'époque, je les faisais au dernier moment, dans la journée même. En revenant de San Francisco ou de Los Angeles, ça dépend d'où j'étais. Ouais. Je faisais ma chronique et là, depuis que j'ai mis le pied par terre ce matin, j'ai pas arrêté téléphone, machin, truc, parce qu'il y a des choses qui se préparent et donc voilà, fallait que je pouvais pas lâcher. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il faut pas en parler, mais tu as plein de choses qui se préparent. Voilà. Tu me l'as dit. Pour l'instant, on n'en parle pas. L'antenne. Une tournée internationale, des albums, etc. Enfin, donc, il y a beaucoup de boulot. Enfin, en fait, très sérieusement, en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, que ce soit pour moi ou Jimmy ou nous deux. Il y a beaucoup de boulot, des concerts à venir, pas mal de concerts qui arrivent. Tant mieux, hein, tant mieux pour nous. Mais voilà, bah, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Hein. Et donc, j'ai pas préparé de chronique. J'avais un sujet. Ce matin, devant, je me suis dit, je sais de quoi va parler ma chronique ce soir, mais voilà. Donc, je n'ai pas préparé de chronique écrite comme je faisais à l'époque, tu te rappelles, où je venais avec ma petite feuille et tout ça, et je lisais tout ça, nanana. Et voilà. Mais en fait, j'avais envie de parler, et d'ailleurs, on peut converser dessus, sur une question qui a été posée cette semaine, dans plusieurs endroits, à savoir, est-ce que les artistes peuvent dire pour qui ils votent? C'est en pleine période électorale, on peut se poser la question, est-ce que les artistes ont le droit? Moi, je fais partie de ceux qui disent oui. Pourquoi? Parce que la chanson française, d'où je prétends être, hein, n'est-ce pas, a une longue histoire. L'histoire commence au Moyen-Âge, voire avant les ménestrels, les troubadours. Que faisaient-ils ces gens-là? Ils chantaient, mais ils chantaient quoi? Ils chantaient l'actualité. Il chantait l'histoire, il chantait de tout ce qui se passait. Il passait de ville en ville, et pour la plupart des gens, l'information venait de ces gens, de ces troubadours, de ces artistes. Et dans l'histoire de France, tout ça a perduré. Après, il y a eu plus ou moins des périodes où ils ne pouvaient plus chanter à cause des censures, le roi, etc. Mais ça a quand même perduré. C'était des pamphlets qui étaient écrits à droite ou sous le manteau. Et tout a continué, tout a continué, tout a continué. Après, il y a eu des chansons qu'on a appelées la chanson réaliste. Dans les années, au siècle dernier, au début du siècle, avec des Fréhel, avec des Maurice Bruand, etc. Des gens qui chantaient aussi, ils chantaient quoi? C'était les émules d'Émile Zola. Quand Émile Zola racontait l'histoire de l'Assommoir, c'était la vie qui se passait à l'époque des ouvriers. Des petites gens qu'on appelait les petites gens, et les chansons étaient en parallèle et parlaient de ça beaucoup, pas toutes bien sûr, mais il y en avait beaucoup qui parlaient de ça et qui disaient clairement leurs opinions. Après, il y a eu ce qu'on a appelé la chanson engagée, la chanson qui disait voilà, moi je pense ci, moi je pense ça. Mais pas seulement, faut pas voir dans la chanson engagée la chanson de gauche. Il y avait aussi des chanteurs de droite. Ah oui, bien engagés, c'est pas forcément voilà. de gauche. Donc, chacun avait leurs opinions. Et je ne vois pas aujourd'hui, en l'an 2000, en 2022, puisqu'il y a eu toutes ces évolutions-là. Après, il y a eu des périodes où il y en a eu moins, où on a plus ou moins caché. Hein. Je rappelle quand même que, pour ceux qui écoutent Bernard Lavilliers, il y a des années, quand il a commencé, il était ostracisé. Il passait pas sur les radios. Maxime Le Forestier a été censuré plusieurs fois, notamment pour une chanson qui s'appelle Parachutiste, mais pas qu'elle. François Béranger, dont on parlait tout à l'heure, c'était pareil. C'était des chanteurs dits engagés. Mais il y avait des chanteurs aussi à droite. J'avoue ne pas les avoir écoutés parce qu'ils ne m'intéressaient pas. Donc je pourrais pas dire leur nom. Mais il y avait aussi des chanteurs de droite, voire d'extrême droite. Donc aujourd'hui, on en est là. Pourquoi je dis que un chanteur a le droit, je dis le droit, pas forcément le devoir, mais le droit de dire pour qui il va voter? Parce que justement, il est le successeur, il est l'héritier de tous ces gens qui, jadis, au Moyen-Âge, jusqu'à maintenant, avaient le droit de parler. Donc, nous sommes en 2022, nous ne sommes pas encore dans un pays censuré, nous ne sommes pas dans une dictature. Donc, s'il a envie de le dire, je lui dis, dis-le. Si tu n'as pas envie de le dire, eh bien, tu te tais. Mais de toute façon, effectivement, il y a toujours les chanteurs engagés, comme on dit. C'est sûr que finalement, eux, ils continuent à faire leur travail. Ils continuent à faire les concerts dans lesquels ils disent ce qu'ils pensent, etc. Sauf qu'il y a des médias qui ne les diffusent plus. Voilà. Le truc, il est là, surtout. C'est pas qu'ils n'existent plus, c'est qu'on les ignore aujourd'hui. Oui, mais en plus, alors, je vais pas faire une réponse, et je dirai pas pour qui je vais voter. Même si beaucoup le savent. Mais je ne veux pas faire une réponse à ceux qui disent... Moi, je sais pour qui tu ne vas pas voter. je voudrais dire simplement à ceux qui disent, voilà, c'était mieux avant. Il y a des moments où on pouvait écouter sur certaines radios des chanteurs et ils n'étaient pas censurés. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a des périodes où Georges Brassens a été censuré. Je dis bien Georges Brassens a été censuré. Jacques Brel a été censuré. Et ces époques dont certaines personnes aujourd'hui sont nostalgiques, moi j'ai pas envie de les revivre. Voilà, donc je me dis qu'au contraire, il faut pouvoir s'exprimer, parler. On a le droit à chacun d'avoir nos opinions. On a le droit à chacun, et je respecte les opinions de chacun. Et comme sur le fronton d'un journal, d'une phrase de Voltaire, me semble-t-il, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez le dire. Parce qu'il me semble que c'est de Voltaire. Oui, c'est... Il faut donner le droit de s'exprimer. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très important. A encore en France. Et puis voilà. Donc, alors, ceux qui parlent de censure, ceux qui parlent que nous sommes en dictature et tout ça, eh ben, sachez que si je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que nous sommes peut-être pas vraiment en dictature. Tout à fait. C'est bien de le souligner, parce qu'il y a des gens, même ce que tu as dit là, ça ne passerait pas dans ça. Ah, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, on a cette chance-là. Heureusement, on fait partie des pays où il y a encore, où c'est une démocratie, quoi, où les gens peuvent s'exprimer. Où on peut encore dire des choses. Et où on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Et puis après, c'est. Mais encore une fois, il faut savoir écouter les autres. Moi, amenez-moi des arguments. Il faut argumenter. Et j'ai les miens, et puis on peut discuter sans s'engueuler forcément. Voilà. On peut discuter. Certainement que chez un, il y a il y a des choses qui sont bien chez l'autre, il y a aussi des choses qui sont bien, et puis il y a des choses qui sont pas bien chez l'un et pas, et des choses pas bien chez l'autre. On peut en discuter. Mmh. Voilà. Mais voilà, discutons-en. Ne nous tapons pas forcément dessus. Et puis laissons-nous parler, laissons-nous nous écouter. Voilà, c'est tout ce que. Voilà. C'était un peu voilà, ce dont je voulais parler ce soir dans la chronique que je n'ai pas écrite. Très bien, en tout cas, bon, tu l'as pas écrit, mais tu l'as dit quand même avec tes mots à toi. Ils sont venus comme ça. Quand tu écris, tu prends plus de temps, tu choisis plus tes mots, tu tournes mieux tes phrases. Là, tu les as sortis de manière spontanée et c'est pas mal aussi comme ça. Bah voilà, j'espère que c'est bien. Très bien. Donc voilà, c'était ta manière de dire. Voilà, c'est on a cette chance en France de pouvoir s'exprimer. Donc exprimons-nous. Si on n'est pas, c'est vrai qu'on on a le droit de cacher pour qui on vote, etc. Oui, bien sûr. Mais à la limite, ceux qui veulent le dire peuvent le dire. Hein. Rien n'empêche. Et il n'y a pas de honte. Il y a pas de honte. Ouais. Moi, je même si je suis pas d'accord avec les gens qui vont voter à contresens de moi, c'est ton droit. Parce que justement, aujourd'hui, tu as le droit. Tu as le droit de dire et de voter pour qui tu veux aujourd'hui. Est-ce que une fois que tu auras voté, ça sera la même? C'est autre chose. Voilà. Voilà. J'en dirai pas plus. Voilà, donc c'était le petit... ça tombe bien, hein, juste entre les deux tours des élections de dire ça. Et donc, une chose qu'on a cette chance-là, c'est de pouvoir voter déjà. Donc, si on veut s'exprimer, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller déposer son bulletin pour dire, voilà, je suis pour tel candidat, telles idées, telle chose, etc. Voilà. Très bien, donc ça évite aussi, si on dépose le bulletin dans les urnes, ça évite des fois de mettre les gilets derrière, hein, mais il y en a certains qui le font pas, et puis derrière mettre le gilet, mais bah bon, voilà. C'est plus à ce moment-là qu'il faut le faire. Enfin bon, voilà, on écoute encore un petit peu de musique. Ben, on va se gêner. Hein. C'est vrai que le ça passe très vite. Ça passe vite. Alors j'avais prévu beaucoup plus de morceaux, mais bon, c'est pas grave, hein, l'important c'est qu'on discute aussi. Alors moi j'avais envie d'écouter... un petit morceau d'un monsieur qui était aussi chez nous il y a quelques temps, quelques semaines, c'est Max de Giovanni, qui était venu avec un album, super album, super bien enregistré, avec des très belles paroles. C'est quelqu'un que j'ai découvert en direct, hein, c'est-à-dire qu'il m'avait contacté, je ne le connaissais pas avant, et finalement c'est quelqu'un de super agréable, super bien, et ça me donne vraiment envie d'aller le voir un jour en concert. Donc j'espère qu'un jour il sera en concert sur la région orléanaise. Je sais qu'il vient de temps en temps, donc on essaiera d'en profiter. Et je propose qu'on écoute un de ses morceaux qui s'appelle Allez viens, dont le clip va bientôt sortir, et quand il sortira, regardez bien, parce que je crois qu'il y aura des surprises. Allez, viens, on se tire, tracer la route, partir, ne plus jamais mentir, arrêter de courir. On ira voir l'océan, et si au-delà il y a le néant sur nos peaux, la caresse du vent, tous les deux être vivants. Allez, viens, on se tire, bercé par le son de nos rires, le silence, nos soupirs, aimer la vie vieillir. Respirer d'un même cœur, s'aimer. Allez, viens, on se tire, hurler les plus beaux jurons, et ensemble, dansons, oubliez les bas-fonds. Allez, viens, on se tire. Demain on va mourir, plus se cacher, ne plus fuir, plus rien pour nous détruire. Yeah.

surpris par les averses. Quand rien n'arrive ou tu attends, chante à cappella. Chaque fois que t'as la trouille, quand tout tourne à l'envers, quand rien ne va quand tu l'entends. Chante, évite les embrouilles, tout est déjà de travers, de la hauteur pour mieux voir devant. Chante à cappella. C'est notre ami Rossy Kinkela qu'on l'a reçu il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Franchement, moi ça me fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Il est toujours la banane, et la musique qu'il nous a laissé, c'est de la super bonne musique dansante et puis pleine de joie de vivre. Ah, c'est complètement, ce que j'aime. Oui, c'est bien les embrouilles. Voilà. Quand j'ai connu, c'est le premier titre qui m'a fait écouter. J'ai dit, mais c'est génial, et puis tout le monde chante les embrouilles. Puis il y a des sacrés musiciens quand même. Ouais. C'est vrai que voilà, donc on arrive à la fin de cette émission et puis l'heure est venue de nous dire au revoir. On avait une émission numéro 505. Je voulais faire aussi un dernier coucou à une personne qui compte énormément dans l'émission Mavrica, et pas seulement, hein, c'est aussi pour toutes les émissions radio, de Radio Arc-en-Ciel. C'est Florent qui fait les podcasts de l'émission et qui m'a dit voilà, ce soir on va essayer de finir à 22h pile parce que sinon il dépasse et puis il pourra pas enregistrer forcément tout. Donc on lui fait un petit coucou, on l'embrasse très fort pour ce qu'il fait, parce que franchement c'est quelqu'un qui est toujours là et on peut toujours compter sur lui pour réécouter les émissions, puisque le podcast est posté finalement très rapidement, et puis les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission peuvent le réécouter à un horaire décalé. Donc voilà, le petit coucou est passé pour Florent, et puis on arrive à la fin de cette émission, on va dire les phrases magiques aussi, c'est que everything is gonna be alright. Voilà, c'est ce que j'avais mis sur l'affiche de la semaine dernière, je sais pas si tu avais vu. Il y avait aussi que le rock and roll soit avec vous, hein, ça c'est un petit peu la génialité, notre petit clin d'œil, et aussi une vie sans musique serait une erreur, voilà. Absolument. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans l'émission Mavrica, et on passera encore un bon moment. C'est Irène qui nous fait un petit coucou aussi. Hein, on va lui refaire un petit coucou à Irène, et on va se quitter avec un morceau. Alors je vais quand même le présenter. j'ai quand même le présenté. D'ailleurs, le titre, je me souviens plus exactement, mais on va se débrouiller. Alors, c'est voilà. Alors, je voulais le présenter après, mais comme on va se quitter sur ce titre-là, on va le dire avant. Je voulais qu'on le diffuse. C'est un groupe qu'on aime beaucoup tous les deux, qui malheureusement n'existe plus. C'est le groupe Les Garens. Ah, Les Garens. Heureusement que tu le présentes à la fin, parce que là, je discute pendant 2 heures sur Les Garens. Sur Les Garens. Donc, on va se quitter avec un morceau qui s'appelle Toucher les étoiles. C'est un morceau qu'on avait vu souvent en concert et qui a été finalement enregistré sur un de leurs albums. On va écouter la version studio qui a été faite de cette chanson. Et c'est une chanson qui est pleine de à émergence, bonne humeur. Elle est enregistrée à Émergence. Je sais plus. Oui, me semble bien avec Stéphane. Ouais. D'ailleurs, ah, Stéphane. Moi, je suis un peu ce qu'il fait. Il y a plein d'artistes. Ah ouais, qui c'est qui a les Full System chez lui. Il y a Roraima aussi qui est passé, non, ouais. qu'on a reçu il y a quelques temps. Plein de gens qui continuent à aller dans ce studio. Heureusement. Et je crois qu'on l'aura de plus en plus parce que apparemment il fait du bon boulot et puis les gens continuent à aller à ce studio. Il y en a d'autres. On en a cité aussi d'autres. On a parlé de Freddy Rouillet là, il y a pas longtemps, de Lexa aussi qui enregistre d'autres artistes. Voilà, il y a plein de gens comme ça qu'on côtoie, qu'on connaît à travers la musique, à travers les artistes et qui sont les techniciens. Et c'est grâce à eux qu'on a le son qu'ils ont voulu mettre dans une galette. C'est grâce à ces techniciens là qu'on en arrive à avoir parce que Stéphane, un son de qualité. Il a cette qualité. Parce que il sait écouter. Parce qu'il sait écouter. Et puis, parce qu'il a un studio et le meilleur équipement de son studio, ce sont ses oreilles. Absolument. Ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier. Faut avoir tout le matériel du monde si on n'a pas les bonnes oreilles pour choisir le bon son, la bonne qualité, les bons filtres à mettre dessus. Et ben, voilà, ça restera du son de base. Et ils savent embellir le son. C'est ça le plus important. Voilà, donc un petit coucou à Stéphane, hein, comme ça le coucou est coucou passé. Coucou à Stéphane, coucou à tout le monde. Et puis moi je vous dis pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine je serai au volant à cette heure-là, mais à très bientôt. Et puis je viendrai avec une chronique écrite cette fois-ci, tiens. D'accord, ok, bah tu nous tiens au courant et puis tu passes quand tu veux et comme ça régulièrement tu feras une chronique et je sais que tu peux pas être là toutes les semaines donc voilà, au moins le public est averti mais moi je suis là toutes les semaines à part au mois de mai il y aura une petite coupure mais on vous tiendra au courant d'ici là et j'espère que la semaine prochaine on aura un invité, donc j'ai quelqu'un sous la main, on va voir si c'est possible et puis la semaine d'après il y aura Jack F qui viendra dans les studios avec les Uncle Biker. D'ailleurs on n'a pas eu le temps de passer un morceau, mais on passera la semaine prochaine. Pas de problème. Allez, à très bientôt. À ciao. Salut. We'll be right back. Musical, plein la tête. Legítimo todos os veículos que transportassem armas oferecidas pela NATO e países aliados à Ucrânia. Tudo isto acontece ao mesmo tempo em que a Rússia ameaçou